3 mars 2017. Monte le son, Morénal, monte le son! Et vous, chers mes amis, oh, ça commence très bien. Non, mais vous, mes amis! Prenez votre radio, citoyen, citoyenne, membre de CKRL, et offrez-vous l'extravagance, l'errance rénaldienne vendredi le 3 mars 2017. Monte le volume et hume la différence, c'est parti, mon qui. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénaldienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Merci. Merci beaucoup. Ça commence très bien. En fait, on se le souhaite. Et ça, c'est un peu, beaucoup passionnément, le jeu du cirque. Qu'est-ce que le jeu du cirque, mon Raymond? Moi, t'as l'expliqué, prends ton temps, là. On a toute la nuit. Oh, oh, toute la nuit, oh. Oui, en tout cas, une petite partie. Bon, ça, c'est quand même, c'est intéressant. Au début, il nous dit, nous avons toute la nuit. Et puis après, il vient de raccourcir ça. Est-ce qu'il nous reste quelques secondes? As-tu 2 minutes, nut? As-tu 2 secondes, gonde? As-tu 2 minutes, qu'à me consacrer? As-tu 2 minutes, nut? As-tu 2 secondes, gonde? As-tu 2 minutes, à me consacrer? Gérald! As-tu 2 minutes, nut? As-tu 2 secondes, gonde? As-tu 2 minutes? C'est moi le gros minet. Et en parlant de gros minet, t'as oublié de mettre les 2 piles dans mon magnétophone. Je peux pas l'utiliser. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on peut trouver la Libye de passer une chanson. Pendant ce temps-là, tu t'en vas, tu trouves 2 piles triple A. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on se procure... Ça va bien aller, je vous le dis. Quand on se procure des piles, que veut dire le terme D? Hein? Des piles D, des... Oh, je suis pas en train de m'acheter un soutien-gorge, je suis en train de me procurer des piles. Que veut dire triple A? Ah, vas-y. Ah, c'est pas cher. Ah, ça dure longtemps. Si c'est alcaline. Quand c'est pas alcaline, c'est courte durée. Ce serait bien dès la naissance. OK, tu glisses dans le tunnel de ta maman. C'est bien dit, hein? Non, non, mais s'il y a des enfants qui nous écoutent à minuit 3, qui font leurs dents, là, les nourrissons, j'ai pas été graveleux, là, j'ai pas été grossier. Alors, ce serait bien lorsqu'on fait, on passe pour sortir à l'extérieur, choisir. Est-ce que je serai alcaline ou normal? Alors, si c'est normal, ma vie sera très, très courte. Mais si c'est alcaline, longue durée! Et puis là, je sais pas, là, tu sors, t'es un peu mêlé parce que c'était pas à cette heure-là que tu sens le truc devait arriver, là. Et le grand jour était dû à 15h30. Puis là, il est 2h du matin, puis là, ils ont décidé de te déclencher. Déclenche-moi pas! Laisse-moi dormir! Va sortir à temps, fais-toi-en pas. Puis même si je suis en retard, on n'est pas pressé. Je suis pas encore en train de travailler, quoique ma mère travaille. Ça travaille là-dedans, là. Contraction, a commencé à travailler. T'as-tu punché? Hein? Nous, on dit puncher. Puncher, ça veut dire préparer notre temps de travail là, pour avertir nos patrons que nous avons débuté le boulot. On punch. On a une carte, puis on punch. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça existe encore, les punch. Oui, regarde, je suis allé à une petite fête hier au soir, là, une petite fête. Là. On était 3 000, 4 000, pense bien. Au début, je pensais qu'on était 2 000, 3 000, puis après ça, ben 2 000, 3 000, 3 000, 4 000, tu sais. Je suis tombé dans le punch, là. Pas le petit punch, le cling-cling, le punch galou-galou-galou. Oh, monsieur, peux te dire une affaire? Moi, t'as le dire, cette affaire-là. Début de la soirée était extraordinaire. Et ils ont placé des lumières, ça flashait de partout. Je me croyais à Cannes, à Las Vegas, pas à Las Vegas, à Las Vegas, man! J'étais prêt à ça. J'avais le crayon préparé, mon gars. Je m'exhibais le crayon, prêt à signer n'importe qui, n'importe quoi. J'avais le crayon, poing! Tout le monde préparait, me plaçait du punch parce que je me promenais avec ma petite coupe. Ça a commencé par un vernissage. Grand vernissage de manteau en plastique. Je sais que ça a l'air bizarre de même, mais quand tu y vas, là, au début, je peux pas vous dire que je me suis pas senti mal à l'aise. Mal à l'aise. T'es toujours un peu étrange dans la tête d'un artiste qui est pas dans le mouvement normatif. Mais en même temps, si j'y vais, c'est parce qu'il est pas comme tout le monde. T'sais, ça m'intéresse pas, moi, de voir Gisèle Flavy me proposer ses dessins de clowns. J'ai rien contre les clowns au cirque, comme je disais tout à l'heure. Mais en dehors de ça, puis même, j'ai absolument rien contre les clowns, tu sais, dans les petites soirées. Arrête de faire le clown, arrête de faire le clown. Il est drôle, lui, il est drôle. On rit pas, mais il est drôle. Non, drôle dans le sens de rigolo, bizarre, tu sais, on n'est pas loin, là. On marche sur la corde raide. Donc, on est, tu sais, je suis dans le punch, puis, ben, en fait... À l'origine, je ne l'étais pas dans le punch. Je vais vous expliquer pourquoi tout a descendu du ciel, ou presque. Je tenais mon verre, tu sais, on est en train d'examiner les œufs. Petite soirée, là, tu sais, un petit party. Moi, j'ai été invité. Je ne savais pas combien de personnes allaient voir ça, là. C'était de l'or brut. Donc, en entrant, on vous reçoit. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous venez ici, ben, je suis pas ailleurs, là, où suis-je? Mais vous êtes ici. Oh, c'est rassurant de savoir que je suis ici et non pas ailleurs, hein? Ça, c'est un rire de gars, tu sais, ouais, il étouffe, là. Laisse-moi passer, là, je suis VIP, comme disait Catherine, Philippe Catherine. Je suis VIP, moi, là. Je suis pas né de la dernière bière, voilà. J'ai appris à déboucher avant de me torcher. Oh, oh, oh, c'est chic! Non, non! Torcher, là, c'est faire du nettoyage rapide, là. Faire les coins ronds. Chez nous, je torche. Ailleurs, je nettoie. Quand t'es payé, tu nettoies. Ouais, c'est pas important, là. Sauf... Sauf quand tu invites une jeune fille. Oh, là, tu veux donner bonne impression. C'est important, la première fois. Le premier regard. La première idée qu'on se fera sur toi et sur l'endroit où tu habites. Dis-moi où tu habites et je te dirai si je t'embrasserai et irai plus loin dans cette soirée. Hein? Alors, normalement, elle devait pas venir. Elle m'appelle. Oh, mais là, j'ai pu m'occuper de trouver un endroit pour mes enfants, très cher ami. Je serai à ton domicile dans 45 minutes. 45 minutes! Wow! C'est quoi ça avec... Y a-tu un décalage horaire là-dedans, là? Non, non, 45 minutes! Elle a changé de voix, elle aussi. Elle change de voix de même. Elle est multi... Elle est multi-son. C'est pour ça que je l'aime. Moi, les gens qui sont monochromes, ah, c'est comme mon concours, là, pas un concours, mais quand je suis allé au vernissage. Fait que là, je lâche pas. Le vernissage puis la propreté. Hein? Il y a deux trucs là, qui viennent de se présenter à moi. Donc, il faut que je termine les deux. Peut-être en chevauchant l'une à l'autre. Elle ne sait pas nager, elle va se noyer. Bien, au moins, on va s'occuper de l'autre après. on y va. Donc, j'étais au bar. Hein, j'ai invité VIP, Philippe Catherine. Bon, tout va bien. Et vous me ferez penser, hein, 45 minutes, parce que je ne m'en souviendrai plus. Je vais dire, quand je pars de même, là, ça peut mal aller. Je vais y aller, oui. Oui. Mais j'avais dit peut-être une petite chanson pour placer mes deux piles, triple A, bon. Non? 10 minutes, on y va? Oh, non, c'est toi qui décides. Moi, je ne suis qu'un esclave sonore. Je suis qu'une bouche. Comme disait Mick Jagger, je ne suis qu'une bouche. Mais lui, oh, monsieur, la bouche. Hein, c'est de la bouche. Kate, là-dessus, là, Kate la bouche. Kate bouche, mouche, notre votre l'heure. Hé, hey, quelle chanteuse. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Et là, je me demande, puis là, c'est le vieillissement normal, puis j'en parle souvent de ça. On a des images d'artistes. Et lorsqu'on les voit plusieurs années après, s'ils ont été fidèles à eux, ils n'ont pas rien modifié. Donc, ils ont vieilli normalement. Peut-être en mangeant mieux, en suivant une diète, en étant épicurien ou peu importe, végétarien, rien, à rien, mais sans avoir touché, c'est ça qui est important. Tu sais, au plasticien, bon, j'en parle souvent de ça, mais quand tu revois des artistes, puis t'as l'idée, tu la vois dans ta tête, puis tu la revois 20 ans après, ou 30 ans après, tu voyons, donc, elle est bien plus jeune. Ah ben, c'est moi qui ai vieilli, le temps s'est arrêté sur elle. Elle a peut-être un bouton arrêt sur image. Et depuis ce temps-là, rien n'est passé, rien n'a défilé et elle est authentique. C'est louche. C'est louche. Ah oui, plus louche que ça, là. C'est étrange. Tu sais, de louche à étrange, là, il ne reste plus grand-chose, là. Il y a peut-être entre deux chaises. Puis entre deux chaises, si tu tombes dans le milieu, ça dépend qui tu es, de quel sexe, quoi que. Dans les deux cas, ça doit faire mal. Parce que là, je parle de mon cas, mais l'autre cas, je ne sais pas. Là, si tu tombes dans deux chaises, puis... non. Alors, triple A, double A, ou on va dans le punch, ou on termine avec la propreté. OK, le punch. La pile, ce n'est pas important. Là, je suis inspiré. J'allais dire les démons. Oui, on peut, les démons créatifs, parce souvent on attribue ça à la sainteté, à la, je suis inspiré, la magie, mais qui dit que c'est pas machiavélique, là? Arrêtez de trouver, moi j'ai rien contre le bon. Le bon goût, c'est merveilleux, mais c'est pas le bon goût n'est pas le même pour tout le monde. J'adore la limonade en passant. Et j'ai une marque de limonade qui me fait vraiment un grand plaisir lorsque je le bois. La bois, une limonade. Lorsque je la bois. C'est pas cette limonade-là. Mais oui, effectivement, ma limonade a du chien. Mais c'est une marque populaire. Puis la majorité, lorsque je leur dis, ça c'est ma limonade. Ouais, mais c'est trop sucré. C'est pour ça que je l'aime, moi, là. J'aime ça, le sucré, moi. Je suis un petit bec sucré, moi. Je suis un rénal sucré, moi. Moi, j'ai pas du sang là-dedans. J'ai du sirop d'érable. Je suis le premier Québécois à fonctionner, non pas avec du sang, mais avec du sirop d'érable. Lorsqu'ils vont me perfaire, ils vont faire des perfusions. Lorsque je serai entre deux chaises, comme je disais tout à l'heure, Vais-je trépasser, rester, trépasser, rester? Ça sera pas du sang, m'a leur demandé, m'a leur dit. Dans mon dossier, c'est indiqué, pas de sang pour lui, du sirop d'érable. Ah oui, mais là, du sirop d'érable. Puis moi, n'importe quel, là. Pas le clair, là, le qui... Non. Le sirop foncé, là. Celui qui est plus crémeux, pas de la tire, mais... Avant tout ça, tu fais En fait, là, il faudrait préparer ça dans les hôpitaux, là, si j'arrive bientôt. Là. Prenez de la sève. Pas n'importe... La sève venant de l'érable, voyons donc. L'érablière Moncton. C'est pas Moncton, c'est l'érablière s'appelle Moncton. Elle se situe, bien sûr, dans un royaume imaginaire. Je peux vous en trouver. Bon. Là, je dis ça à tous les médecins, à tous les hôpitaux qui cherchent ça, là. C'est pas sur Google Maps. C'est dans ma tête. Ça fait peur, hein? Mais à se demander, est-ce que Google Maps... Il y a des chats dans ma gorge. Est-ce que Google Maps... C'est surround, hein? J'ai la gorge surround. Est-ce que Google Maps est capable de trouver mes points imaginaires? Mes points géographiques imaginaires, pas mes points. Je sais que je connais j'ai des points. J'en aurai un sur la gueule si je continue de parler. Non, mais attention! Soyez gentils. Je ne suis qu'un simple d'esprit. Qui suis ici pour divertir un public. Ah, oh, mais divertir, on n'a même pas ri depuis le début. Ça fait combien de temps? Ça fait 16 minutes et 40 secondes. On est là, on se dit qu'est-ce qui va se passer? Ben oui, le punch. J'ai été invité à voir un artiste intéressant parce qu'hors norme. Parce qu'il y avait quelque chose à dire d'autre que ce qu'elle... Hein, la majorité, elle se plie à bien des conneries, mais lui et elle, parce que c'est un couple. C'est une personne qui forme un couple. Intéressant, là, hein? On n'est pas dans le... Comment dire? Dans le préfabriqué, là. On est dans l'authenticité de l'artiste. Fait que moi, je regarde ça. Écoute, c'est intéressant. Là. Je me dis... Est-ce que je peux demander au protagoniste qui a fait ces œuvres-là? Est-ce que je peux lui demander de prendre des photos? Tu sais, c'est gênant, hein? Là, il va se dire les droits d'auteur, il va vendre ça, puis... Là, je dis non, c'est pour mon album perso. Moi, je forme beaucoup de... Ben, en fait, j'ai fait des photos pour avoir une ressource créative. Une ressource créative afin de me ressourcer lorsque... Il y a de la source là-dedans. Non, mais en un mot, j'emmagasine des images pour me procréer de la création. Tout est création, vous allez me dire. Quand tu fais ta sauce à béchamel, tu crées quelque chose. Surtout quand tu ne sois pas là. Le mieux, c'est de ne pas suivre la recette. Jamais suivre ce qui est indiqué. Ou, si tu le fais, rajoute des trucs. Va plus loin. Oh non, moi, là, quand je fais ma sauce, là, c'est selon les normes, c'est ce qui est indiqué. Sinon, ça ne goûtera pas la même chose. C'est vrai! C'est vrai que c'est pour ça que c'est intéressant. Faut pas que ça goûte la même chose. Faut que tu reprennes toi-même. Ouais, mais avant, faut goûter ce que ça goûte. Goûter ce que ça goûte. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Non, mais si on te soumet une recette, c'est pour que tu arrives à goûter ce que l'autre a fait. Faut que ce soit la même chose. Mais c'est quoi l'intérêt? Ben, c'est parce que si l'autre l'a aimé de même, puis si tu la fais autrement, tu pourras jamais savoir si c'est meilleur que ce que la personne t'a proposé. Ouais, ça, c'est pas fou. C'est pas fou? OK. Tu fais la base originale, OK? La sauce originale. Après, tu fais la sauce qui te correspond. Oh, ça, c'est intéressant, là, mais il faut l'original! Ben oui, OK, oui, il faut quand même une base. Bon, la base, c'est ça. Après, tu vas plus loin ou tu vas peut-être plus creux ou tu réussiras pas. Mais faut tenter. Faut expérimenter. On est ici pour expérimenter. Sinon, qu'est-ce qui... Le plaisir est dans quoi? Et moi, je dirais dans l'assiette. Alors, je m'en vais là. Je t'ai invité VIP. On lâche pas. Puis là, on nous présente au début une coupe avec... on nous fait croire que c'est du champagne. Moi qui est un connaisseur, parce que je suis allé en Champagne, je ne vous emmerderai pas avec ça, vous le savez si vous me suivez depuis 250 ans, qu'à Chapillon, on fait le champagne et c'est la seule place qui peut... Le seul endroit où ils peuvent... L'endroit où il peut... L'endroit... Un endroit où il peut... Champagne, la Champagne... à Reims. Wouh! C'est dur, hein? Non, c'est parce que ce que je veux dire, je tiens que ce soit très clair. Champagne, c'est un lieu en France, à Champillon. Et à cet endroit-là, on forme le champagne, on fait le champagne, on crée le champagne. Donc, c'est le seul endroit où on peut dire qu'on boit du véritable champagne. Ailleurs, c'est comme la bière belge. On peut dire que c'est brassé à la belge, mais ce n'est pas de la bière belge. Donc, le champagne se trouve en Champagne. Quand vous buvez... du mousseux californien dit, entre guillemets, champagne, c'est pas du véritable champagne. Je sais qu'il y a beaucoup de répétitions dans champagne, là, mais c'est du mousseux. Inspiré du champagne français en banlieue de Reims. Voilà. C'est juste ça que je voulais dire. Sinon, tout va bien. Donc, on me remet de ce champagne, entre guillemets, qui n'en était pas parce que c'était écrit Californie! Ben, pas sur le verre, là, mais sur la bouteille parce que je me suis avancé. M'avance tout le tour. Parce que le plus important quand tu vas dans des soirées de même, c'est que tu t'avances vers le bar. Normalement, les discussions commencent là, puis on se retire après pour. Tu sais, il y a comme des unions qui se forment, puis hop, on s'en va ailleurs. Puis là, il y a des bancs, tu t'installes sur les bancs, puis bon. Le reste est à venir. Mais la réunion se trouve là. Le noyau. Comme un peu la terre a un noyau. La chaleur profonde d'une soirée, c'est devant le bar. Au même titre que lorsque vous faites du plein air, le noyau, le soir, c'est le foyer, le feu de camp. Il y a des discussions. Puis après ça, on s'en va. Puis, dans le bois, il est plus loin. Alors, mais vous l'écrit, hein, ça donne une idée. Et c'est pas trop clair, mais on peut voir. Dans le noir, on peut voir là-dedans. C'est bien de voir dans le noir. Il n'y a pas juste les chats, les souris, les trempettes. Hey, avez-vous vu des trempettes voir dans le noir? Ah, mon dos. Des petites trempettes, là. Des wrenches. La trempette wrench dans le noir. Ah! Parce que c'est blanc avec des typicots, hein? Puis c'est des typicots qui voient dans le noir, eux autres. Parce que le wrench en tant que tel, ça voit rien. Non, c'est liquide. Mais les petits grumeaux, c'est comme du poivre. Puis les poivres ont des yeux. Ah, mon Dieu, c'est quoi? C'est surréaliste. C'est artoesque. Artonesque. Attends. Ça fait que là, il y a le bar, il y a la discussion, puis tout ça. Puis moi, j'ai toujours la petite coupe en l'air. Dans les soirées, il faut toujours avoir le coupe en l'air. Si tu as le coupe en bas, pff, tu renverses tout. C'est comme l'heure, là. Tu sais, quelqu'un te dit, as-tu l'heure? Tu baisses le bras, whoop, il est 2h15, mais là, tu as tout perdu ton punch. Fait que là, tu laisses le bras. Un peu comme, ouais, voilà. Quand tu cours, vous avez déjà couru, vous, avec la flamme olympique. Qui n'a pas couru avec la flamme olympique? Que des insignifiants. Sinon, la majorité du peuple a couru avec la flamme olympique. Ou une quenouille allumée, quoi que. Qui, on peut s'imaginer que c'est une flamme olympique, là. Un enfant, c'est une boîte en carton, là, il s'imagine que c'est une Rolls-Royce. Faut revenir en enfance, là. Tu cours avec ta quenouille, là, tu dis Hey, moi, là! La flamme olympique, j'allais la flamme olympique! Monsieur. Non, mais il est heureux de même, lui. Il est heureux de même. Et la flamme olympique, ben, tu l'as, c'est beau, bravo. trouve l'endroit où il faut allumer vraiment la flamme. La flamme est sur là. Et sur là quoi? Qu'est-ce que ça veut dire sur là? Explique-moi. Ben non, mais il y a la flamme. Ben oui, t'as pas la flamme, t'as la quenouille. La quenouille est en flamme. Ben c'est ça, il y a la flamme. Ben oui, tu tiens la flamme grâce à la quenouille. Hé, ma quenouille, toi, m'a te faire comprendre. Que... Ah oui, mais là, je cours vers quoi? Ben, je sais pas, cours vers rien. C'est déjà beaucoup courir vers rien. OK, moi, je vais aller vers rien. Ben, vas-y, bon. L'histoire du ménage. Ah! Après ça, on finit. Parce qu'on reçoit Julie. Julia. Bon, j'ai dit Julie parce que... Je ramasse trop les prénoms. Faudrait... Arrête de ramasser les prénoms puis dis les véritables choses. Mais Julia, c'est pas une chose. Julia, c'est une artiste que j'ai rencontrée à deux reprises en 3 ans, je crois. Fille exceptionnelle. Mais c'est pas le temps de l'annoncer! Non! 45 minutes, la jeune fille arrive. Ben oui! Ding dong, j'arrive. Bon, là, je me dis, voyons donc. Elle m'appelle au bout du fil. Oui, j'ai trouvé une gardienne pour mes enfants. J'arrive dans 45 minutes dans ta piole. Mais ma piole, c'est pas une piole. C'est une chiotte. Là. En résumé, c'est une chiotte. Puis comment je vais faire pour nettoyer une chiotte en 45 minutes? Ça fait que là, j'avais 3 aspirateurs, tu sais, robotisés. Là, tu mets ça à terre. Mais ça prend 48 heures avant que ça se termine. J'ai dit à 3, ils vont faire ça vite, là. M'a mettre des alcalines, des piles. C'est important, les piles. Il n'y en a pas là-dessus pour faire des voix, là, actuellement. Il n'y en a pas de voix, là, dans mon... Regarde ici, là, mon enregistreur. Il n'y a pas de piles là-dedans. Je peux pas faire des voix parce que j'aurais chanté, là. Puis vous êtes chanceux, je peux pas chanter. Vous êtes très chanceux. Au moins, je ne chante pas aujourd'hui. Aussi peu, je pourrais faire a cappella, là. Mais ce ne sera pas le cas. Parce qu'il faut que je vous raconte l'histoire là, du 45 minutes cochonné dans le torchon, là. Parce que là, c'est bien beau de nettoyer avec un torchon, mais quand c'est sale, le torchon se libère vite. En fait, non, s'accumule vite de saleté. Il se libère très mal de la propreté. Puis quand tu lui demandes « Libère-toi, chérie! Combat devant tes défenseurs! » Ben, le défenseur, c'est de la chenoute que t'as à terre, c'est de la chenoute! Je suis pas un chiffon. Hein? Non, je suis pas un chiffon qui s'auto-lave. S'auto-lave? OK. Fait qu'il faut que tu me places en dessous de l'eau. Ouais, mais là, c'est parce que le problème, l'eau actuellement est coupée. Comment ça est coupée? Il y a un petit problème d'égout. Comment ça, l'égout? Ben, égout. Et les dinos, il n'a pas lavé son torchon comme les autres. Non, mais c'est ça. J'ai deux torchons dans mon étable. Un qui rugit, un qui gémit. Les deux sont en train de chialer. Les deux torchons. Les grosses chicanes de torchons à soir, là. Il me reste 40 minutes. Il y a 5 minutes de passer, puis ils veulent pas s'associer. Aimez-vous les uns les autres, les torchons. Allez-y, mes torchons, je vous aime. Essaye d'amener l'amitié entre deux torchons. Eh, hey, monsieur. Là, ben, je me fouillais partout pour trouver une guenille. Au moins 2 guenilles, parce que on sait très bien que tous les torchons cherchent sa guenille. Et j'avais pas de guenille, j'avais que des torchons. Mais des torchons, là, vraiment. Antisocial. Des marginaux. J'étais content d'eux en même temps. C'est comme moi. L'arbre tombe pas très loin du fruit. Le fruit tombe pas très bon. Hein, l'arbre, le fruit. Moi, c'est pas le fruit qui tombe dans l'arbre, moi, là. C'est l'arbre qui laisse tomber des fruits. Fait qu'on dit que l'arbre n'est jamais trop loin du fruit qui laisse glisser, qui laisse abandonner de sa branche, qui laisse mourir tranquillement. Oui, on le regarde, mais il meurt pas. Mais non, il meurt pas. Il descend. Il va peut-être être cueilli, mangé, mais il meurt pas. Il va peut-être revivre dans la bouche de quelqu'un. T'es fataliste? Ben, moi, j'ai toujours été fataliste. On m'a dit que c'était la meilleure direction à prendre. Puisque tous les autres sont comme... Exactement. Il y a embouteillage. Il y a un embouteillage. Puis moi, rester trop longtemps à la même place. Là. Oh! Moi, il n'y a pas un klaxon qui fonctionne là-dessus, moi, là. Puis, avancer. Embouteillage. Faut que ça avance, faut que ça roule. Puis, je serais le genre, heureusement que j'ai pas de permis de conduire, à sortir de mon véhicule, un peu comme dans La Rage avec Michael Douglas, fermer fermer la porte, puis partir à pied. Avec mon sac. Mon sac à dos. Puis, je parlerai pas de l'histoire du sac à dos fouillé par des extrémistes de droite. Mais tu le dis. Mais je le dis pas. J'étais en train de préparer le terrain. Bon. Mais là, les deux torchons, là, ils chicanent encore, puis il reste 35 minutes. La demoiselle va sonner dans 35 minutes. Soit que je me place à la porte, je dis, oh, écoute, allons au bar. Puis elle n'est pas prête à aller au bar. Elle ne veut pas aller au bar. Elle va aller chez toi pour se relaxer, écouter de la musique, puis avoir du plaisir. Dans un bar, il y a trop de monde. Elle veut un côté intimiste. Elle veut le côté singulier. Là, il reste 22 minutes. Les torchons ne sont pas encore... C'est sale. Puis là, je me dis, écoute... Elle verra bien la réalité. Je ne suis qu'un torchon, ni plus ni moins qu'un faiseur de façon. Il reste 3 minutes. Elle va sonner, puis il n'y a personne qui trouve personne. Puis j'ai pas mis ça dans l'eau. Il n'y a plus d'eau. Il n'y en a pas d'eau. Le problème d'égout. Bien beau que dire que tous les égouts sont dans la nature. Ah, mon Dieu, 45 secondes. Tendu le taxi. Elle monte en haut. Ah, elle va sonner. Ah! Elle sonne. Oh mon Dieu, est-ce que j'ouvre la porte? C'est ça la question. Est-ce que j'ouvre la porte? C'est important de savoir le reste de l'histoire, là. Allez-vous dormir ce soir si je ne vous dis pas le reste? Oh! Elle ne vient pas de sonner, là. Elle ne vient pas de tomber non plus. C'est ma souris qui vient de s'échoir. Il y a un silence de mort. Même les morts sont pas aussi silencieux que ça. Ça craque quand ils se tournent. Puis là, quand c'est en cendre, là, ça fait... Parce que c'est la cendre. Là, on attend qu'elle sonne. Elle est débarquée. Je suis sûr qu'elle a l'oreille sur la porte. Je suis certain. Là, ça se demandait, va-t-elle me juger à ce qu'elle entend? Parce que lorsque je vais ouvrir, elle va bien se rendre compte qu'il n'y a personne à part deux torchons. Mes amis imaginaires, elle ne peut pas les voir. Ils sont imaginaires. Docteur, qu'est-ce que je dois faire? On nous dit souvent, là-dessus, ne paniquez pas. Mais c'est bien de ne pas paniquer, parce que dans toute panique, il y a comme une frénésie, et ça peut comme accentuer la chose. Ça peut la rendre beaucoup plus violente qu'elle est. Puis, en même temps, c'est quoi? C'est juste une histoire. C'est juste du racontage. J'aime ça le mot racontage. C'est comme... C'est juste... Une mise en scène. Mais elle n'a pas encore sonné. Je suis sûr qu'à la senteur, elle est sonnée. Ouf! C'est cette senteur que je cherchais. Aujourd'hui, je reçois Julia Pacôme en ce beau 3 mars 2017. Terrence Renadienne est heureux de vous la présenter pour une deuxième fois consécutive. Consécutive, ça veut dire une après l'autre. Une fois après l'autre. Non, je crois qu'il y a eu 2 années d'arrêt, mais elle a travaillé sur un album, sur des choses assez exceptionnelles, dont un livre. Elle est chanteuse, auteure, chorégraphe, écrivaine. Julia Pacôme est une artiste française née un jour. Je ne veux pas dire son âge. Je suis sûr que ça ne la dérange pas, mais je ne veux pas. Personnage public, engagé. Elle défend la liberté, l'égalité et les sexualités. Le 15 septembre 2016, elle publie un livre manifeste « Au lit citoyen » signé aux éditions Hugo et Cie Blanche. Donc, CKRL, Errance Rénaldienne, vous la présente maintenant. Tout le reste, comme je le dis depuis tout à l'heure, sera 100% Julia Palombe. À toi, à nous, maintenant. Bonne émission. Tu me cherches, tu m'appelles, tu me pries. Je suis Dr. Love, la reine de l'amour. Je suis Dr. Love, la reine des jours. Rien ne te sauvera, tu es en manque, tu as besoin de moi. Jacques Brest, c'est au suivant. Ouais, ouais. Merci. Salut! Hello! Ça comment va? Ça va? T'es énergique? Toujours. Ben oui. Il faut de l'énergie. Ben c'est ça que j'allais dire, comme toujours. On peut avoir la dernière énergie aussi. Là. Oui, c'est ça. Oui. L'énergie fatale, quoi. Ouais, ouais. Puis sinon, comment ça va? Ça va bien. Plein de projets? Ouais. Plein de choses que j'ai remarquées. Ah, j'ai des cadeaux pour toi. Ben voyons. Ben oui. Ah. Regarde. Oui. Je ne fais que ça. Un CD? Oh oui, c'est le nouveau que tu m'as parlé. Et un t-shirt. Ah! T'as-tu pris extra large? Oh, the fuck? Ouais. OK. Ça va ou pas? Yeah, ben oui. C'est large quand même. Excellent. Excellent. Ouais. Oh, merci. Voilà. Merci, merci. Julien, on s'est vu il y a 2 ans. Ouais. 2 ans? Il y a deux ans, oui. En 2014. OK. 14. Oh, ouais, 2 ans. Et à la sortie de cet album, Docteur Locke. Ouais. T'as fait des journaux. Je t'ai lu dans certains journaux populaires. Tu commences à prendre ta place dans l'univers musical. Oui, la presse est toujours. Elle était déjà, quand on s'est rencontrés il y a 2 ans, elle était déjà friande. Et elle est de plus en plus présente, elle me soutient. Ça, c'est vraiment un grand honneur et plaisir pour moi. Quant à l'industrie musicale, elle reste frileuse, même si c'est vrai que je prends de plus en plus de place sur les scènes parisiennes et françaises. Donc, et j'espère. Frileuse par le propos aussi. Pas que par le propos, par l'énergie. C'est-à-dire que on le voit dans le Docteur Love, par exemple, qui est un album qui est vraiment à l'écoute pour tous. On peut l'écouter dans la voiture avec des enfants, tout ça. Ah oui. Oui. Moins explicite. Cru. Moins cru. Moins explicite. Et pas explicite du tout d'ailleurs. Mais et on voit que ça a pas changé vraiment le regard des. De l'industrie musicale. C'est avec ton premier album, tu as comme donné le temps, ils s'imaginent que... Non, c'est aussi la société. On est dans une société qui est très repliée sur elle-même et qui préfère choisir des artistes qui sont égocentriques, égocentrés, et qui ne racontent rien et surtout qui vont rien déranger. Alors c'est évident qu'un mec qui monte sur scène pour dire « mais où tu étais pas là, mais où tu étais pas là, mais où tu étais pas là », ah ben évidemment qu'il va rien déranger. Ouais. Moi je monte sur scène pour dire « au lit citoyen, réveillez-vous, faites l'amour, on est là pour prendre du plaisir ». Ah ben c'est sûr qu'on est, on est ailleurs. On est catalogué. Oui, donc je pense que voilà, le problème de l'industrie musicale, c'est qu'elle est en train de toute manière de mourir, tout simplement. Elle est en train de perdre complètement son vrai rôle qui était de donner une direction, de choisir des artistes. Il y a encore 30, 40 ans, les artistes avaient une vision du monde. Et c'est pour ça qu'on le prenait. Et ils n'avaient pas forcément une vision. On s'en fout qu'elle soit juste, pas juste, vraie, fausse, qu'on soit d'accord avec ou pas. Mais ils avaient une vision, ils avaient une proposition. Et c'est ça, l'art. Et le premier album a été très bien accueilli par les journaux, par les médiatiques. Et dans ce deuxième-là, il y a comme eu... Uniquement 2 ans de décalage. Mais j'écris vite. D'ailleurs, avant les deux... En fait, normalement, en fait, en vrai, c'est mon 4e album. Okay. C'est-à-dire qu'avant l'album Nu, pour lequel tu m'avais rencontré, j'en avais écrit 2, de manière un peu plus intime, en duo. Même dans la production, c'était beaucoup plus... oui, plus intime, plus fait de manière moins grandiose. Et du coup... Si tu veux, il y a... oui, on voit que la presse a tout de suite accroché, quoi. Si c'est ça la question, oui, j'ai toujours eu un soutien de la presse parce que on voit bien que la presse est encore... Elle est plus libre que l'industrie musicale. C'est là où moi, je me suis rendu compte de ça. Hier, ils n'ont pas de problème, même à la télé, pour m'inviter. Et par contre, même la radio reste beaucoup plus fermée. Ouais. Je suis invitée quand il s'agit de faire un portrait sur moi. Je suis invitée régulièrement chez BFM TV, BFM Radio RMC, je veux dire, via Brigitte Lahaye, bien sûr. Même France Inter, c'est des radios qui même France Bleu Provence. Si tu veux, ils m'invitent pour faire un sujet spécial. Mais de là à passer le titre de manière régulière en rotation, comme on dit dans le milieu, ça, c'est encore une autre histoire. Parce que les rotations musicales à la radio sont très liées, complètement liées avec les labels musicaux, donc l'industrie musicale. et d'un nu jusqu'à... Ah oui, c'est ça, ouais, la question. Ben, oui, mais ça, j'ai toujours écrit rapidement. C'est-à-dire, après l'album nu, déjà, j'ai pris la décision d'écrire un livre qui sort en septembre. Pourquoi ? T'as voulu changer de média ou t'as voulu... Alors, disons que j'ai toujours eu cette facilité à passer d'un outil à un autre, puisque tu vois, j'étais danseuse pendant 10 ans, ensuite je suis devenue chanteuse, et là, j'écris, c'est mon deuxième ouvrage. J'ai même collaboré à un autre ouvrage collectif cette année, donc sur encore un ouvrage engagé où il y avait seulement des femmes qui écrivaient une lettre à leur utérus. Okay. C'est sorti en mars aux éditions La Musardine. Ça, c'est des nouvelles, oui. Et là, le mien, donc c'est un manifeste, donc c'est un essai sur l'utérus. Oui. L'utérus, c'est une centaine de pages, c'est assez court, c'est un tout petit livre avec seulement des lettres. Il y a 20 lettres. Le tien, c'est quoi, c'est 20 pages, 30 pages? Non, le mien, c'est 130 pages. C'est un essai qui s'appelle Au lit citoyen, c'est un manifeste. Bah, qui a un peu le lien avec Lu, avec l'album Lu. Oh, plutôt avec l'album Docteur Laure. Enfin, si tu veux, c'est un tout. Hein. C'est okay. Le même geste. De toute manière, c'est mon travail, c'est mon univers. Donc voilà. Si tu veux, à la suite de l'album nu, j'avais l'impression que c'était difficile d'exprimer ma pensée en interview parce qu'on est souvent réduit, on est souvent pressé, surtout à la télé. Et le format télévisuel ne permet pas de développer la pensée. Et je me suis rendu compte que quand on parlait, par exemple, d'éducation érotique, quand je disais chez Thierry Ardisson, j'ai dit on est une société qui est complètement illettrée sexuellement. Et j'ai senti que c'était un thème qui interrogeait. Thierry Ardisson avait envie que j'en parle, mais seulement le format de la télé ne me le permettait pas. En quelques mots, c'est très difficile d'exprimer ça. Et donc, du coup, j'ai décidé d'écrire le livre. Pour pouvoir expliciter ma pensée et pour pouvoir me positionner clairement aussi contre ce que j'appelle la gymnastique pornographique. C'est-à-dire que oui, je parle de sexualité parce que oui, je crois qu'on manque vraiment de sensualité dans la société, mais je crois... Dans la vie de tous les jours, mais dans l'intimité, je crois que notre intimité est pauvre aussi. Je crois que sexuellement, en France, on a une sexualité qui est triste. Et d'ailleurs... une femme comme Brigitte Lahaye, qui est quand même sur les ondes radio de tous les jours, elle le dit aussi. Elle dit qu'on est complètement... Sclérosé. Oui, sclérosé, c'est un très bon terme. Sclérosé, formaté. Et donc, j'avais... En même temps, si on regarde le porno, c'est aussi très sclérosé, le porno. On veut recréer à la maison ce que l'on voit dans... Ben, c'est ça. C'est pour ça que j'écris un manifeste. Parce que le problème... C'est pas l'existence de la pornographie qui est de toute manière préhistorique et j'ai pas de problème avec c'est ça. Le problème, c'est l'utilisation et c'est le regard qu'on a dessus. Et c'est aussi ce truc très focus les parents qui font comme si ça n'existait pas ou qui savent pas trop comment le gérer alors que c'est présent, alors que nos ados en consomment de manière. Voilà, et puis qu'il faut. Le problème, c'est de trouver, enfin le problème, non, au contraire, la solution, c'est de proposer une alternative. C'est de dire, ben, la pornographie, ce n'est pas la réalité. La pornographie, c'est de la fiction. Voilà, c'est pas la sexualité, la beauté de la sexualité, l'érotisme, la quête sensuelle, la rencontre charnelle entre deux ou plusieurs personnes. C'est autre chose. C'est poétique. C'est... De l'ordre de l'expérimentation, de l'expérience, du mystère, du désir. Lorsque tu en parles comme ça, je sens les mots de Claude Nougaro qui avait un langage très sensuel. Bien sûr. Et c'est aussi, à travers les mots, communiquer la beauté de la sexualité, mais aussi avoir le vocabulaire qui amène cette jouissance-là. Bien sûr. Autant la jouissance physique que la jouissance intellectuelle. C'est ça, c'était aussi une façon pour moi de ramener la sexualité là où elle est, c'est-à-dire de lui redorer le blason, de lui redonner ses notes de noblesse. Oui, et puis surtout, c'est pas la sexualité, c'est pas seulement, évidemment, la pénétration, le fist anal ou l'éjaculation faciale, tu vois. Dans le creux de tes mains, pris des feux écarlates et le long. de mes reins. De doux ouvrages j'éclate. Mon souffle est court, ma tête tourne. Je dérisonne, je ne tiens qu'un fil. Tes mains me pressent, tu t'abandonnes. Il y a le feu au lit. Amour, amour, amour. Ton parfum me tourne autour. Je salive à l'idée de goûter tes talents. Je suis à feu et à sang. Rien n'est meilleur que de mourir dans tes bras, manger par tes baisers. C'est global, la jouissance elle est globale, elle est totale, elle est c'est boire un café, elle est créative, bien sûr, c'est échanger, c'est ça, être un regard profond aussi, c'est de prendre du plaisir dans le tout. C'est ça, c'était de montrer voilà que le plaisir était global et que c'était donc toute une manière de vivre qui était en cause et une manière de se positionner dans la vie, de profiter de la vie, de jouir de la vie. Une fois que ton livre sera disponible, est-ce que tu t'attends d'être invité dans les écoles pour en parler? Dans les écoles, j'adorerais. Déjà, dans un premier temps, il est évident qu'avec la maison d'édition, on travaille pour qu'il y ait une couverture presse. C'est Hugo et compagnie, Blanche. Okay. Donc, on fait en Blanche, sorte... Blanche, quoi, Blanche, ici... Non. Des fois, le siège social est là, donc... Non, les éditions Blanches, c'est okay. Franck Spengler qui a dirigé mon ouvrage et qui dirige Blanche. Et en fait, les éditions Blanches sont maintenant, font partie d'un collectif de maisons d'édition, on pourrait dire. Je ne sais pas si Hugo me le permettrait. En tout cas, ça s'appelle Hugo et compagnie. Et ça a une force de frappe évidemment plus grande dans la mesure où c'est plusieurs maisons d'édition qui se sont regroupées sous le nom d'une seule. Est-ce que c'est toi qui as proposé ce livre-là ou si c'est eux qui ont frappé à ta porte? C'est moi qui l'ai proposé. J'ai commencé à l'écrire en 2014 parce qu'il était question que je signe avec une autre maison d'édition que je ne citerai pas. Et qui a reculé au dernier moment, mais pas vraiment frileuse parce qu'elle avait déjà compris le contenu. Mais oui, peut-être, Marc, qu'est-ce qu'on ne sait pas en fait. En fait, je n'en sais rien. Elle a reculé au dernier moment. Donc du coup, j'avais déjà écrit une bonne... j'avais déjà mis sur le papier mon idée, mon livre. Et donc après, il a fallu que je réfléchisse, etc. Et quand j'ai rencontré Frank Spengler à la fin de l'année 2015, il m'a dit « c'est super, j'adore ». Ceci étant, on va réécrire. Et donc, il a fallu un peu comme si le montage d'un film ne convenait pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a eu une grosse période de réécriture pour moi. Que ton propos change, même si lui voulait restructurer certaines. Il m'a proposé un autre point de vue, okay, que j'ai accepté parce que c'était, à mon sens, beaucoup plus intéressant. Okay. Tu vois, on a réfléchi à un autre point de vue, okay, qui permettait une compréhension plus directe du propos. Est-ce que les gens, depuis que tu fais de la danse, de la musique, parce que j'ai rencontré une modèle récemment et on mêle beaucoup de choses, hein? Est-ce qu'on s'imagine lorsqu'on te rend compte que, je te lance comme ça, est-ce qu'on s'imagine que tu es une fille facile ou... Ah, c'est une question intéressante. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on parle de liberté sexuelle, il y a cette tendance que tu serais prête chez les gens, oui, ouais, dans la pensée, hein, populaire, ouais, la liberté sexuelle s'assimile à je couche avec tous les hommes qui passent, tous, ouais, les voisins, je ne sais quoi. Ouais. Et donc ça, c'est une chose aussi dont je parle dans le livre. Et j'explique que la liberté sexuelle, c'est simplement la liberté de choisir. De dire non aussi. Et de dire non, bien sûr. Est-ce que tu connais la chanson? Et là, je la vois, la chanteuse, puis je l'ai rencontrée il y a 3 ans, elle était enceinte. Et elle parle de ça, qu'elle dit quand c'est non, c'est non. C'est de... Elle a fréquenté Albin de la Simone longtemps. Comment qu'elle s'appelle? Jeanne Chéral. Ah, Jeanne Chéral, bien sûr. Elle dit quand c'est non, parce que lorsqu'elle monte sur scène, donc, elle raconte des histoires et il y a des gens qui, peut-être, avec eux, ces gens-là doivent avoir un trouble psychologique, mais ils s'imaginent que c'est à eux qu'elle s'adresse. Et toi aussi, peut-être, lorsque... Écoute, moi, j'ai vraiment... je crois que je suis assez claire dans ma vie, de manière publique comme intime. C'est-à-dire que je ne suis pas vraiment, comme on pourrait le croire, harcelée par des hommes ou des femmes qui voudraient coucher avec moi. J'ai beaucoup de déclarations que je prends avec amour, bienveillance. Non seulement on a le droit, mais j'encourage les gens à le dire quand ils aiment, et à moi, mais à d'autres. On peut jamais... Enfin, est-ce qu'on peut aller trop loin? C'est-à-dire que c'est aussi à la personne qui reçoit d'être clair. Moi, quand je reçois un message, que ce soit sur mon téléphone ou sur mes boîtes personnelles, de mes réseaux ou quoi, quand le message va, comme tu dis, trop loin, c'est-à-dire quand, je ne sais pas, quand il y a une proposition sexuelle ou une photo ou je ne sais quoi, je dis clairement que ce n'est pas le propos, je dis clairement que je n'ai pas envie de recevoir ça. Ou bien sûr, je ne réponds pas parce que je ne peux pas non plus répondre à tous les messages qu'on m'envoie, ce serait dément, mais... Voilà, il y a aussi une responsabilité, et c'est là que c'est important, surtout pour les femmes. Il y a une responsabilité à répondre. Je rebondis sur un événement qui nous est arrivé en France il y a quelques mois, dans la classe politique française, où il y a un dirigeant, quelqu'un qui faisait partie du parti, il se trouve des Verts, mais bon, qui a été justement accusé d'harcèlement, ouais, sexuel, ouais, etc. Ouais, ouais. Et il y a toute cette histoire de texto. Bon. Évidemment, c'est un sujet glissant, hein, là, que j'aborde, mais les textos. Donc, cet homme aurait envoyé des textos à caractère sexuel. Il y a quand même une question qui se pose. Qu'est-ce que les femmes ont répondu à ces textos? Parce que si tu laisses le mec t'envoyer des textos, si pire, tu réponds à moitié et que tu laisses sous-entendre que finalement, c'est pas complètement fermé, ben après, attends, ne viens pas me dire que c'est du harcèlement, chérie. Non, oui. Il est là quand même le problème. Et à mon avis, c'est aussi... C'est pour ça que Jeanne Chéral a dit quand c'est non, mais encore faut dire non, mais okay. Mais je connais, ouais, le travail de Jeanne, c'est par ça, contre. Mais il y a un moment donné où il faut le dire, ce non. Même le premier, il faut le dire. C'est parce que c'est aussi, enfin, voilà, juste faisons attention aussi pour les femmes. C'est trop facile aussi de laisser croire, de répondre peut-être que oui, et après de dire ah, oh, mon Dieu, c'est horrible. Ouais, ouais, ouais. Je suis harcelée. Bah non, t'es pas harcelée en fait. Si tu veux pas, moi, à chaque fois que je dis non, comme par hasard, on m'entend très bien. C'est clair, on était pris. Mais, je veux dire, c'est quand même... Mais non, si tu dis clairement, ça n'a pas lieu d'être, je ne vous appelle pas pour ça, je ne veux pas recevoir ce genre de message, stop. Bah, généralement, à moins de ton... Il y a évidemment quelques exceptions, comme tu dis, des malades, hein, des gens qui sont vraiment pas à l'aise et qui sont en souffrance psychologique, mais c'est rare, en fait. Et toi, tu travailles dans ce milieu-là depuis quand même... est-ce que c'est la danse qui t'a amené à la chanson, qui t'a amené à l'écriture? Oui! Qui t'a prédisposé dès le tout jeune âge dans la création? Étais-tu prête à aller aussi loin? Alors, moi, j'ai déjà je me souviens pas de moi avant la danse. Si tu veux, j'ai un souvenir de moi, même toute petite, déjà je dansais, déjà je me mettais en scène. Donc, ça n'a pas du tout été une surprise pour mon entourage que je sois danseuse, par exemple. Par la suite, quand j'ai commencé à explorer d'autres médias, enfin d'autres outils pour moi, c'est-à-dire la voix, l'écriture, ça n'a pas non plus surpris ma famille et notamment ma maman, parce que déjà jeune, j'étais très penchée sur l'écriture. J'écrivais déjà beaucoup, des poèmes par exemple. Et la chanson, c'était dans le même, si tu veux, c'est dans le même, élan. Donc on peut être surprise de dire, oh tiens, pour quelqu'un qui m'aurait connu par exemple avec la danse, de me voir chanter, on peut avoir un moment de surprise, mais finalement qui n'est pas si renversant que ça. Mais par contre, le sujet de la jouissance, alors ça, non, je n'y pensais pas du tout en étant jeune. Je pensais pas du tout, je me suis pas dit jeune, oh, je vais porter haut et fort la flamme de la liberté sexuelle et du désir, parce que tout simplement, j'étais une enfant très libre. Et je suis Est-ce née... Que tes parents l'étaient, oui. Ma mère est une femme très libre, mon père aussi, il n'est plus de ce monde, mais il était... surtout enflammé, plus que vif, dirait Christian Bobin. Il était très vivant. Et la chose, c'est que je suis née, et je pense que c'est une chose importante, parce que je suis née dans la campagne, près d'Aix-en-Provence. Et je croyais que tous les autres enfants de mon âge vivaient avec les mêmes libertés. Et comme j'ai été très vite dans des classes à horaires aménagés, j'ai très vite pris la direction de la professionnalisation de la danse, puisqu'à 13 ans, j'ai quitté ma famille pour aller travailler. Pour aller, voilà. Et donc, du coup, à l'intérieur de ce sas de danse, qui est aussi très particulier en soi, je ne me suis pas non plus rendu compte que les autres enfants, que les autres adolescents étaient vraiment différents, si tu veux. Les deux. la sueur, l'odeur, les dessous élégants. Dans quelques années, si nous n'avons encore rien fait, nous baiserons seuls dans notre salon. Par image interposée, on ne saura même pas qui est derrière le clavier. Avec des capteurs fourrés dans tous nos trous et un téléviseur comme lieu de rendez-vous. Alors seule la panne d'électricité nous replongerait, toi et moi, nez à nez. Faire l'amour, c'est si banal de nos jours, mais on oublie souvent d'y mettre des poils. Où sont passés les artistes, les endurants? La sueur, l'odeur, les dessous élégants. La la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Et en fait, c'est beaucoup plus tard, c'est-à-dire à l'âge de 24, 25 ans, 26 ans, que j'ai commencé à me dire, mais en fait, les gens ne sont pas du tout comme moi. Ils ne sont pas du tout dans cette liberté. Et alors là... C'est de là l'intérêt d'en parler. Bah, de là, si tu veux, je me suis rendu compte, en tout cas, qu'il y avait un décalage. Et j'ai commencé à me rendre compte que j'avais eu de la chance d'être élevée par une maman et un père, mais surtout bon, ma mère du coup, qui était très libre et qui m'a enseigné les bases, c'est-à-dire vraiment de... Ma mère me disait sans arrêt, mais on s'en fout complètement de ce que les gens pensent, de comment tu t'habilles ou de comment tu danses ou de comment tu parles. Tu ne dois pas te laisser entraîner par... des gens qui seraient pas qui te critiqueraient ou quoi. C'est donc ça, c'était déjà une chose importante parce que ça a développé chez moi cette chose où je vais en avance sans du tout me j'ai pas du tout peur, j'ai jamais eu peur dans la vie. Et toi, la maman, toi qui as un enfant, ouais, tu élèves ton fils dans la liberté, complètement. J'ai mis dans la liberté, dans le second degré, parce que l'humour aussi, c'est une partie importante de mon livre. L'humour se perd. On est vraiment dans un... 4 ans, je crois. 3-4 ans. 6 ans maintenant. Ah, 6 ans. Oh, on est en retard de 6 ans et évidemment, c'est un enfant, comme on peut l'imaginer, qui est très libre, très confiant. Bah, extraverti, je ne sais pas quelle définition on donne à extraverti. Explosé. Enthousiaste, je préfère. Il n'est pas concentré sur lui, dans la poésie, dans la contemplation. Il est aussi beaucoup dans la contemplation. Okay. Ouais. Okay. Mais je crois que la contemplation, c'est le summum pour moi de l'extraverti. Okay. Tu vois, je veux dire, pour moi, c'est très relié. C'est-à-dire que c'est un... Pour bondir, il faut se ressourcer. Bien sûr. Il faut être connecté très profondément pour bondir, sinon tu ne peux pas. Donc en fait, c'est vraiment un enfant qui a ça justement, il est tout seul puisqu'il est pour l'instant en tout cas fils unique, et il a cette chose où il peut jouer pendant très longtemps tout seul. Il écrit, il veut devenir écrivain, tu vois, dessinateur. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, il a le temps de changer 1000 fois. Ouais, ce qui est intéressant, c'est de voir déjà cette c'est faculté. C'est rare que l'on veut devenir écrivain à 6 ans. Quand c'est même. Assez rare, oui. Il joue du piano, il lit les clés musicales, les deux clés. Donc, il a déjà cette ouverture. Et c'est vrai qu'à l'école, il adore travailler. Donc, il est en CP. Il est plutôt en avant. Il est plutôt dans la tête, tu vois. Mais il est aussi, surtout, dans une conscience. Qui est assez rare en fait, et c'est ça, je l'ai vu à l'école, c'est assez rare les enfants qui sont dans cette confiance en eux. Comme il y a un trouble... Confiance aussi. Oui, comme il y a un trouble, si tu veux, dans la société, comme on est une société de gens angoissés, et bien évidemment ça se répercute sur les enfants. qui sont eux aussi déjà dans cette angoisse, dans cette... Donc voilà, mais oui, mais bien sûr, mais parce que je crois au-delà de... Enfin, je crois que l'éducation sexuelle qui se fait bien sûr à partir de, je dirais à l'adolescence, mais avant, pour moi, il y a une éducation sensuelle. Une préparation. L'éducation sensuelle, c'est-à-dire l'éveil des sens, c'est-à-dire pouvoir reconnaître une émotion, la nommer, la communiquer, savoir dire oui, savoir dire non. Ça, c'est dès le plus jeune âge. Mon corps m'appartient, c'est le mien. Ton corps t'appartient, c'est le tien. Si on fait quelque chose ensemble, c'est qu'on est d'accord, c'est qu'on est dans le jeu, c'est qu'on est tous les deux ensemble dans le partage. Voilà, qu'on est dans la conscience et qu'on n'est pas en train d'essayer de forcer l'autre à faire quoi que ce soit. Ça, c'est dès le début, puisqu'on voit bien, dès l'âge de 2-3 ans, on voit que les enfants sont sujets à se forcer à faire des choses, frapper peut-être pas, mais enfin se griffer ou se toucher sans l'autorisation de l'autre. Ouais. Donc ça, c'est quand même une chose dont, à mon avis, il faut parler. Et puis, concernant la sexualité, il pose des questions très tôt. Mon fils qui a 6 ans a déjà posé des questions depuis peut-être un an. Et pourquoi vous vous embrassez comme ça? Ah, mais vous mettez la langue. Il voit tout ça. Donc, il faut être capable, avec des mots très simples, de dire que c'est de l'amour, ouais. De dire que c'est un jeu de grand, de dire qu'il n'y a rien de grave avec ça, et c'est quelque chose de toute manière... acceptable. Oui, et qu'il n'y ait pas d'angoisse qui se focalise sur ça. Oui, parce que s'il y a angoisse ou si... Si on refuse d'en parler, on commence à sacraliser. Bien sûr, c'est ça. Et de fermer des portes. Et donc, pour l'enfant, ça risque de devenir un mystère. Exactement. Quand ça devient un mystère, le psychologue n'est pas loin et les sous vont déferler. Bah, d'ailleurs, les psychologues attendent. Les psychologues lavent les mains de notre société, figure-toi. Puis ils attendent juste des maladies, puis ils en inventent constamment. Donc, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est... Oui. Depuis que tu t'es lancé dans la musique et peut-être même dans la danse, parce que la danse, c'est bien sûr le côté corps, sensuel. Oui. Est-ce que tu crois qu'il y a des gens qui s'imaginent que tu n'es que sexualité? Ah! Écoute, certaines, peut-être. Bon, alors déjà, pour moi, la sexualité, c'est la vie. Donc, je ne serais pas gênée qui voit en moi de la sexualité et donc de la vie. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, vraiment... Je ne me pose jamais ce genre de questions. C'est-à-dire que ça m'intéresse très peu, voire pas du tout, de savoir ce que les gens pensent de moi. Okay. Ça n'a pour moi aucune importance. Je fais ma création, je la partage. Ce qu'on vit ensemble sur scène est très fort. À chaque concert, on le voit, on est vraiment dans une communion. Certains du public me disent, on dirait les concerts de Frank Zappa années, tu vois, c'est-à-dire qu'on est dans la messe, On est dans le partage. On est dans le partage. Donc ça, c'est une chose très forte que l'on vit. Donc les gens qui viennent me voir, ils savent ça. Ceux qui ne viennent pas me voir... C'est une performance. Oui, et ceux qui ne viennent pas me voir, ben évidemment qu'ils ont des a priori, comment c'est impossible autrement, mais ils en font ce qu'ils veulent. Si tu veux, il y a aussi cette chose où, à mon avis, l'œuvre d'art n'appartient plus à l'artiste à partir du moment où elle est lancée. Ce que vont faire les gens de mes chansons, de mes livres ou de mes chorégraphies, ça ne m'appartient plus. Et je crois qu'il faut l'accepter. C'est d'ailleurs pour ça que les accouchements d'œuvres artistiques, à mon avis, sont presque plus difficiles que les grossesses. Parce que quand tu es en train de créer, tu es dans une euphorie artistique, tu es pris complètement par ton œuvre, tu t'es accaparé à 100%, tu cherches, je l'espère, pour la plupart d'entre nous, tu cherches à faire au plus juste, au plus proche de ton idée, voilà, pour ne pas trahir ta pensée. Mais une fois que tu dois la donner, là, il y a toujours un petit moment de... Mais une fois qu'elle est lancée, les années passent, et lorsque tu te rappelles ce que tu as voulu dire, est-ce qu'il y a des changements que tu aimerais... C'est évident que quand je regarde les œuvres passées, je suis... C'est toujours un peu surprenant. Alors d'une part, parfois je les redécouvre complètement. Okay. C'est-à-dire que tout à coup, je ne me rappelle plus que j'ai écrit cette chanson-là. Et limite, les notes commencent et je me dis « Ah, c'est chouette !»« Ah mais oui, mais c'est moi okay, !» tu peux... okay, tu Je me surprends. Okay, okay. Donc ça, c'est une première chose. Après, parfois, je me dis « Oh mon Dieu, peut-être ça vaudrait le coup !» De leur... Alors, je les aime toujours. Ouais. J'ai jamais ce truc de « Ah, oh, ça va pas ». Mais sur scène, tu peux la remodeler. J'ai une tendresse particulière. C'est comme des enfants. Tu ne vas pas dire « Oh, ils ne me plaisent pas ». Tu vois. Il y a toujours une tendresse particulière. Mais par contre, parfois, ça m'est arrivé, par exemple, sur cet album, je reprends « Je me sens bien là ». Parce que c'est une chanson, pour moi, qui est très, très, très importante et sur laquelle j'ai eu envie de revenir encore pour encore plus aller profondément. C'est-à-dire, parfois, il y en a, voilà, parfois, il y a des œuvres, des titres ou autre chose que j'ai envie de remalaxer, tu vois. De remettre à la sauce du jour ou à ta sauce. Oui, de réinjecter encore de la lumière. Il y a parfois un point de vue. Mais tu modifies des choses, les mots tu... Non, je ne modifie pas les mots, je ne modifie pas la mélodie. Ce que je modifie, c'est l'arrangement. L'arrangement musical et l'interprétation. Pour le mettre, comme je te disais, au bout du jour. Parce que les... Oui, ou au bout de moi, en fait. À ton évolution. Ouais. Est-ce qu'il y a des chanteurs ou des chanteuses qui te touchent et qui touchent le même univers que toi? Alors, le même univers que moi, non. Gainsbourg n'a pas... Oui, Gainsbourg, mais il est décédé. Ah oui, tu voulais dire... Alors voilà, non, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que dans les artistes décédés, complètement. Oui, est-ce que Gainsbourg n'a pas ouvert un peu le livre de la sexualité? Malheureusement, non, puisque ça s'est refermé au moment où il est mort. Oui, mais donc, à une certaine époque, est-ce qu'il n'a pas été avec Charlotte Gainsbourg, je t'aime... Il est allé plus loin que n'importe qui. Charlotte Forever. Bien sûr, il est allé très loin. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut même plus... presque n'importe laquelle de ses chansons ne passerait pas. Non. Parce qu'on s'est complètement replié sur soi. Il faut voir que Serge Gainsbourg, il a commencé à avoir du succès. C'est quand il a commencé à avoir du succès qu'il a présenté ses chansons les plus sulfureuses. C'est là qu'il a commencé à vraiment pouvoir s'exprimer. Ça, c'est une chose. Je dis ça parce que je ne suis pas encore au stade où j'ai une assise suffisante pour pouvoir dire maintenant je fais ce que je veux. Moi, je fais ce que je veux avant même d'être mondialement connu, si tu veux. Donc forcément, voilà. Mais... vraiment, oui. Alors, je suis complètement reliée à Saint-Gainsbourg, mais je me sens aussi une énergie très proche, justement, de ce qui se passait dans les années 70. Même d'une Janis Joplin, même d'un Jimi Hendrix. C'est-à-dire que dans l'énergie, évidemment, c'est le rock de ces années-là, mais c'est aussi l'énergie, la liberté, la folie qui se passait. Mais même, je vais te dire, même Lerita Mitsuko, même Niagara... Il y avait cette folie créatrice. Brigitte Fontaine. Bon, elle est encore plus barrée. Mais il y avait cette folie, cette. Ils osaient. Et cette insouciance aussi. Oui, et puis on les arrêtait pas dès qu'il y avait un bout de fesse ou un bout de je sais pas quoi. On s'en foutait complètement. C'était pas ça qui était. Important. Qui était important, c'était de vivre quelque chose. Tu te rends compte qu'aujourd'hui, le directeur d'un grand festival, aujourd'hui, je veux dire, il y a quelques semaines, hein, mais en 2016, le directeur d'un grand festival m'a dit tu es magnifique sur scène, tes musiciens sont superbes, la musique est vraiment géniale, mais alors c'est tellement excitant que je n'ose pas te programmer. On en est donc au stade où une artiste excitante, vivante, qui fait de ses shows un moment intense, est recalée parce qu'elle est justement trop intense. Ou trop extravagante. Non, mais on peut jouer sur les mots autant que tu veux. Oui. La question, c'est l'intensité, c'est l'énergie. Et c'est qu'aujourd'hui, on a un problème avec ça. Et c'est quand même dramatique. On veut robotiser, on veut stéréotyper, on veut formater. Ouais. Évidemment, on se doute bien que si moi je rentre sur scène, c'est pas formaté. Ben ça, c'est sûr. C'est évidemment exact l'opposé. Ouais. Mais c'est quand même fou de réaliser qu'on a laissé faire ça. C'était en 2016. En 2016. Donc voilà, après, il y a des artistes, dans les artistes vivants, je suis, j'aime beaucoup la folie de Philippe Catherine. J'aime beaucoup cette, cette folie dans le bon sens du terme, cette créativité. Créative, cette ouverture et jamais de cloisonnement. Et j'aime le côté scéniquement abouti et même l'univers de Stromae, bien sûr. Oui. Mais à part ça, je ne vois pas du tout où on va. Je trouve que les chanteurs qui sont censés ne le méritent pas du tout. Je trouve qu'on est dans une copie permanente. Les artistes n'ont aucune idée. Ils se copient. C'est très pauvre. Les univers se chevauchent pour amener la même lumière. Oui, et une lumière qui est vraiment de basse intensité. Oui, c'est ça. Chez nous, on appelle ça une veilleuse. Voilà, c'est une veilleuse. Mais tu as tout à fait raison. C'est une veilleuse. Les arts, et notamment la musique française, est en veilleuse, complètement. Est-ce que dans tes propos, à chaque fois, tu te dis « j'aurais pu... » Elle était extraordinaire. Amy Winehouse. Ah oui. Oui, mais elle s'est rendue jusqu'au bout. Elle a touché les étoiles. C'était magnifique. Crains-tu de toucher les étoiles un peu trop en vrai? J'ai la chance d'être vraiment, un, très bien entourée, deux, très saine. C'est le côté danseuse. C'est-à-dire que j'ai appris à travailler très dur, j'aime travailler, et de manière saine, parce que tu ne peux pas danser quand tu... Je pense à Amy Winehouse, mais évidemment, les effets de la drogue ou de l'alcool qui est une drogue, les effets en général de la drogue sont vraiment pas possibles, ne sont pas compatibles avec la danse. Donc évidemment, c'est quelque chose que je n'ai jamais touché, et que je toucherai jamais, je suis bien assez éclatée au naturel. Ça, c'est vraiment la première chose. Et après, c'est vrai que le succès a tendance à rendre les gens fous. Pour ça, je suis psychologiquement assez solide et bien entourée. Bien entourée, je travaille avec mon mari, le compositeur Serge Leonardi, qui est vraiment... très très, alors là, vraiment très solide. Mais en même temps, c'est grâce à ta famille, parce qu'on on crée nos racines à l'enfance, donc c'est grâce à tes parents que c'était aussi solide. Ça, c'est sûr. Mais j'ai eu, comme tout le monde, et d'ailleurs je raconte un extrait dans le livre, je ne suis pas un robot, je ne suis pas une superwoman, et moi aussi, je me suis posé des questions et je n'ai pas échappé à mon époque. Dans le sens où il y a eu une remise en question, même un peu poussée, un peu violente, il y a de ça une dizaine d'années. Une crise, une remise en question. Mais en tout cas, la question, c'est pas d'avoir des crises, ça c'est complètement normal, j'ai envie de dire. La question, c'est d'en sortir et de ne pas se laisser entraîner dans ce marasme. Est-ce que c'était existentialiste? Oui, existentialiste. Bien sûr, c'était... Oui, c'est pour ça que je dis que j'ai pas échappé à mon époque, c'est-à-dire que j'ai, à un moment donné, j'ai eu l'impression de me demander quel point de vue adopter sur la vie, il y a eu un ralentissement, il y a eu un coup de frein, j'ai senti, avant de repartir, et peut-être aussi parce que j'ai cette ambition. Grande et d'être aussi solide. J'ai pas pour ambition de faire un petit vol d'oiseau et de me reposer, tu vois. C'est l'élan après un grand vol. Un grand envol, j'ai ressenti ça. Mais. Oui. Tout à l'heure, j'ai pensé à un truc, mais je sais plus. Oui, non, voilà. Et je reviens peut-être à ma question. Crois-tu à chaque fois, dans ton écriture ou dans ta création artistique, appliques-tu des freins ou si tu vas jusqu'au maximum? Ah, j'ai aucun frein. Je suis complètement en roue libre. J'ai aucun frein, je m'en mets aucun. Et là aussi, ma collaboration... Mais t'es proche. Lorsque tu fais voir ce que tu as fait, est-ce qu'ils te disent, là, ici... Mais on t'encourage à aller plus loin. Mais encore une fois, je m'en fous. Je sais pas comment dire, ça ne m'intéresse pas. Moi, je travaille dur avec mon collaborateur, mon mari Serge Leonardi, qui lui justement a été proche, là je fais juste une petite déviation, mais justement il a été pro, il a travaillé sur le premier album de Mylène Farmer, il a travaillé... Ouais. Un, maman a tort, deux, c'est beau l'amour, trois, quatre, je l'aime, voilà. Il a travaillé avec Patricia Cass, Lio, justement les Rita, et il a vu, comme tu disais, des artistes jeunes se brûler les ailes. Donc, tout ça pour dire que c'est non seulement, à mon avis, un génie de la composition, et en plus de ça, il est très solide. Donc, si tu veux, ce qu'il pense, lui, et ce que je pense, moi, évidemment, c'est important. On travaille tous les deux. Quand je demande conseil à quelqu'un que j'estime, c'est important. Mais au-delà, je m'en fous, en fait. Donc oui, dans mon entourage, il y a des gens qui sont parfois choqués, même dans mon entourage proche. Je pense, on est 5 enfants. Je suis l'aîné. Mes frères, qui sont plus jeunes que moi, ont eu un peu de mal à... Oui, en tout cas, ils ont... accepté certains textes ou accepté ton travail L'univers dans sa globalité, ils ont eu un petit peu, notamment un de mes frères, il n'est pas très à l'aise avec cette liberté-là, puisque ce n'est pas sa manière de vivre. Et donc même on ne doit pas imposer notre style. Bien sûr. On a des frères et des sœurs qui nous aiment. Mais c'est bien pour ça que je m'en fous. Okay. C'est pour ça que je m'en fous. Et, c'est pas, et ça n'a rien à voir avec l'amour que je peux porter, évidemment, à ma famille, évidemment, à mon frère, par exemple, parce que je prenais cet exemple-là. Ça n'a absolument rien à voir avec l'amour. C'est juste que je n'ai pas à me préoccuper des avis de la vie des autres. C'est pas du tout. Ce n'est pas intéressant, ça ne fait pas avancer, ça ne m'intéresse pas. Tu parlais de Mylène Farmer et tes chansons amènent à ça, au clip. Oui, l'univers visuel, oui. bronzé. Depuis deux ans, depuis l'album Nu, j'ai décidé, ça c'est aussi, je pense, la société dans laquelle on vit qui m'a questionné. C'est lui qui filme. C'est lui qui filme, c'est Sergio qui filme la plupart des clips, donc on est ensemble dans cette... Comme Boutonneau travaillait avec Kevin Alfama. Ouais, on est ensemble dans la créativité à la fois des albums, de l'audio, et à la fois de la vidéo. On a commencé en 2014, le premier clip c'était Le Jour de Gloire, je crois. C'est-à-dire qu'on a, on s'est dit, ben, on va, finalement, on va mêler... C'est aussi parce qu'on, voilà, on est dans une société très visuelle, donc j'avais envie d'offrir ça au public. Pour moi, c'est un vrai plaisir de me mettre en scène dans mes clips. Alors là, vraiment, c'est une grande joie. Je crois que ça apporte beaucoup à la chanson. Donc, c'est par la femme, est-ce que tu veux toucher au cinéma? Est-ce que tu veux toucher au court-métrage? Quoi qu'un vidéoclip, ouais, c'est un court-métrage. Oui, un vidéoclip, tout à fait. Un vidéoclip, c'est un court-métrage. J'adorerais... Sans la musique, peut-être un court-métrage sans musique. Alors, j'adorerais. Le truc, c'est que ça demande quand même des moyens. Le cinéma, c'est vraiment un... Quoi, la clip vidéo? Si tu veux, si tu veux toucher au cinéma, il y a quand même toute une partie de lumière qu'il y a déjà dans le clip, mais le clip c'est 3 minutes. Et un court-métrage, ça peut être aussi. Ça peut être. C'est quand même un média où il faut alors réfléchir sur l'histoire. Ouais. À chaque fois, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut dire, comment on le met en scène, la lumière, les costumes, etc., etc., etc. Donc, si tu es avec le clip, toutes ces questions-là d'histoire et de mise en scène du désir sont déjà explicitées dans la chanson. Donc après, il y a juste la réflexion de... Voilà, tu vois, c'est ça. Mais peut-être avec l'image de déshabiller le propos. Oui, c'est une manière de voir les choses, tout à fait, ouais. je suis assez d'accord. Si tu veux, en plus, c'est marrant que tu poses cette question sur le cinéma parce que justement, Sergio a déjà réalisé, lui, avant qu'on se connaisse, même dans les années, fin des années 1990-2000, il faisait des courts-métrages, il a même co-réalisé un long-métrage. Donc oui, c'est quelque chose qui lui parle, mais voilà, ça demande beaucoup de moyens. C'est pas une porte fermée, mais c'est encore une autre... J'ai beaucoup de travail déjà avec mon univers musical et là l'écriture du bouquin. Donc, est-ce que tu trouves que tout va assez rapidement? Es-tu content de cet aboutissement? Alors pour moi, ça va jamais assez vite. Aucun créateur. Je suis une... Il y a avant toi qui lui est plus contemplatif et plus c'est son rythme. Là. C'est ses vagues à lui, c'est son océan. C'est la mer et c'est pas le torrent. Oui. Et j'aime ça parce que j'ai rencontré quelqu'un de très zen et toi qui es très électrisé. Très... Alors moi, je crois encore une fois, tu vois, c'est marrant, j'ai un pouls qui est très très bas. Parce que je crois justement que les gens très zen sont des gens très rapides. Oui, intérieurement, oui. Et oui. En fait, c'est ça. Moi, je suis exactement ça. Et toi, je suis très zen et très rapide. Très rapide. J'ai besoin... C'est justement parce que je suis zen et qu'à l'intérieur de moi, les choses sont très claires, que je voudrais toujours que ça aille plus vite. Enfin, dans le sens, par exemple, je serais prête là à chanter devant des milliers de personnes alors que je chante devant des centaines de personnes. Dans ce sens-là, tu vois, je pourrais que ça aille plus vite. Voilà. Mais en même temps, le discours et surtout l'approche que tu fais n'amène pas ça. Parce que je crois pas. C'est ça. Alors tu sais que. Non, je suis pas d'accord avec toi. Okay. Comment ça? Je ne crois pas qu'un discours sur la vie et la jouissance soit un discours pour seulement une partie du monde, parce que je crois que la jouissance est la première preuve de vie. Oui. Donc je crois que justement, c'est un discours très global. Mais ce n'est pas tout le monde qui est assez ouvert pour accueillir ça. Mais on va les ouvrir? Oui, effectivement. Ils sont pas fermés. Le peuple a envie. Le peuple a envie, c'est juste qu'on est... La morale. On est justement, comment on dit, quand tu... Manipulé. On est manipulé. Oui, ben oui. Mais le peuple, on le voit bien. Oui, en fait, on n'est pas si manipulé. On n'est pas si sclérosé que ça, parce qu'on voit bien qu'il y a des manifestations qui sont de plus en plus grandes. On voit bien que le peuple est sur le point de se rebeller et qu'il se rebelle déjà. Le peuple n'est pas satisfait de la vie qu'il mène. Le peuple aussi a envie de jouir. Sauf que pour l'instant, personne ne prend ce flambeau-là. À notre... à notre côté confortable de l'existence. On ne veut pas remettre en question des choses qui pourraient nous déranger. Mais jouir ne renverse pas notre confort. Non, mais ça remet en question bien des choses, mais surtout, ça dépend des générations, une certaine génération. Ça remet en question le fait qu'on prenne la dépression pour un état normal. Oui, voilà. La dépression n'est pas un état normal. La tristesse n'est pas un état normal. Oui, mais la dépression, c'est très payant pour les entreprises pharmaceutiques. Et oui. Voilà, on va essayer d'entretenir un peuple dans la misère et dans la maladie. Mais là, on rejoint tout à fait le propos de mon livre. C'est là qu'on voit que c'est politique, c'est là qu'on voit que c'est une question de business financier. Oui, oui. Je suis bien d'accord. Ceci étant, je crois en la force du peuple, j'ai toujours cru en l'humain et je continuerai à y croire et je pense vraiment que mon discours s'adresse à tous. Oui, oui. Même s'il n'est pas encore visible par tous, il s'adresse à tous. Oui. Et il suffit de pas grand-chose. Et là, pour le coup, c'est l'avantage aussi de notre époque. Il suffit de pas grand-chose pour qu'une vidéo ou une œuvre soit tout à coup virale et tout à coup vue par tous. Oui, oui. Donc, en ce sens-là, on est peut-être proche d'un... d'une palombe mondialisée. Oui, mais un peu comme l'image que tu as fait, là, tu marches sur la ville, là, t'as oui, c'est sur, ça. Voilà. Docteur Love. Une sorte de King Kong de prêt à conquérir le monde. Mais en même temps, comme je te disais tout à l'heure, il y a peut-être des sujets, des univers ou des sujets qui peuvent transcender plus rapidement que ce que tu abordes, toi. Et comme quoi, par exemple? Ben, il y a des choses plus consensuelles. Mais ça ne m'intéresse pas d'être consensuelle. Je sais. Alors, en prenant position, en prenant une... Mais je prends position pour la vie contre la mort. Je crois que même quand on regardera mon œuvre dans des dizaines ou des centaines d'années, on se dira que c'est moi qui étais dans le juste. Effectivement. C'est quand même fou. Oui, c'est fou. Je ne vais pas prendre position pour la noirceur et la tristesse. Non, mais en même temps, tu pourrais prendre position pour la facilité et l'argent, comme Francis Cabrel le fait, comme plein de monde le fait. Mais l'argent ne fait pas bonder, non, mon chéri. Non, voilà. Alors, c'est ça que je veux exciter. Que c'est le prix à payer. J'ai une vie très agréable déjà. En même temps, il y a une belle expression, tu sais, on dit que lentement, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Oui, à quel, ça dépend comment tu le regardes. Peut-être que quand on regardera, moi je pense quand on regardera avec des années, quand je serai morte, ou là on ne se rend pas compte parce qu'on est des petites fourmis. Alors on est à notre rythme d'humain, mais on a une vie, voilà, on fera le temps qu'on fera. Et l'œuvre que je crée, elle est pour cette vie, mais elle est aussi pour les vies d'après. Mais oublie pas, tu sais, on se compare beaucoup aux artistes confirmés. Mais Gainsbourg n'a jamais été connu et reconnu lui-même par ses chansons. C'est lorsqu'il faisait chanter les autres. Puis c'était pas non plus des chanteuses comme l'on peut. Et Dieu merci, c'était pas des Céline Dion. C'était une autre époque. Aujourd'hui, tu peux plus faire chanter les autres si tu n'es pas déjà dans l'industrie musicale. C'est pour ça que c'est sclérosé. Mais il a jamais eu succès, Gainsbourg, là, à part vers la fin de sa vie. Non, il y a quand même. Oh ben oui, même avec Je t'aime, moi non plus, il y a eu des problèmes pour que ça sorte. Mais à partir du moment où c'est sorti, il avait un succès immense. Juste une chanson et non pas un album. C'était l'enfant maudit. Oui, c'est vrai que Melody Nelson et tout ça, ça a été connu très tard. Il n'y a pas juste, il y a eu Gabi, mais ça a commencé avec les réels. Non, il a connu le succès tard, c'est vrai. Oui. Bon, mais moi, c'est pas le. Enfin, le succès n'est pas un point de mire. Je m'en fous complètement. Tu disais que je voudrais chanter devant des 1000, 2000, 3000 personnes au lieu de... Oui, mais c'est dans le partage que je suis prête. Ouais. C'est-à-dire que, je partage pour 2, 10, 200, 2000, 2 millions, 2 milliards de personnes, pour moi, c'est... Là, je donnerai le même discours, mais évidemment que le partage n'a pas la même intensité, que ce soit pour 2, 200, 2000 ou 2 millions, on est d'accord. Donc, ce que je te disais, c'est que moi, je suis tout à fait prête à parler au plus grand nombre. Ça, c'est une chose. Mais ce n'est pas le succès que je vise. Okay. Je m'en fous complètement. Mais il est évident que puisque je crois en mon art et puisque je crois que mon art est particulièrement bénéfique et jouissif, oui, j'aimerais toucher le plus grand nombre. Ouais. Mais pas pour avoir une... pas pour être au top 50. Je ne sais même pas si ça existe encore, mais voilà. C'est pas ce qui me fait me lever le matin, c'est pas ce qui me fait écrire des nouvelles chansons. Mais par contre, évidemment que je voudrais le partager avec le plus grand nombre, oui. Le discours entre le premier, entre l'album que j'ai connu nu oui. et celui-là, Docteur Love, quel est le cheminement? Est-ce que c'est une continuité ou si c'est un autre chemin ou une autre façon d'approche que tu as voulu lancer avec cet album-là? Moi, je crois qu'on est toujours dans le même chemin, mais que les approches sont infinies. Allô? Allô, chérie, oui, c'est moi. Non, attends, raccroche pas. Juste trois mots. Voilà, c'est juste trois mots pour te rassurer sur ma santé, ma légèreté. Tout ça maintenant, c'est du passé. J'en ai plus rien, rien à glander. On pourrait même se rencontrer si c'était ton plus vif souhait. Moi, de mon côté, c'est enterré. Je te jure, je prendrais bien mes cachets. T'imagines pas que c'est arrivé. Faudrait tout de même apprendre à te calmer. Je te jure, je te jure, je te jure. Je viens de sortir, ils m'ont relâché. Je l'ai rêvé et ils l'ont fait. Tu sais jamais, je te harcèlerai. Je l'ai promis, je l'ai juré. Et puis tu sais, je t'ai aimé. Je t'aurais bouffé, mon Dieu bouffé. J'étais bourrée et défoncée. Très amoureuse, je t'ai cognée. Mais jamais, jamais je le referai. Tu dois le sentir, je suis libérée. Je te jure, je te jure, je te jure. C'est juste trois mots pour te rassurer sur mon état de santé. Tout ça c'est clair, ça va changer. On va enfin pouvoir se marier. Ils m'ont appris à me dominer. Et t'as de quoi être soulagée. Pas question de te faire payer. C'est une idée qui est digérée. Crois-moi, tout ça c'est oublié. Et puis j'ai tellement de regrets. Je te jure, je te jure, je te jure. C'est juste trois mots pour te pardonner. M'avoir laissé me suicider. Je dirais même de m'y avoir poussé. Pour que je me tape tous les pompiers. Enculé. Oh, j'ai bien fait d'avoir quitté. Avant que tu te sois accroché. T'aurais pu me manquer de respect. Et ça je l'aurais pas supporté. Alors plutôt que de louvoyer, je préfère un truc bien raisonné. Car maintenant que je t'ai retrouvé, faut pas que tu craignes pour ta beauté. Tu sais je suis là pour te rassurer. C'est de la tendresse, c'est de l'amitié. Je te jure, je te jure, je te jure. Lâche-toi sans prendre un air inquiet. Lâche-toi sans prendre un air inquiet. Je connais bien trop ton anxiété. Et je vais finir par la soigner. C'est une chose qu'il faut dépasser. Et que je maîtrise à souhait. T'avais surtout pas de raccrocher. C'est un truc qui m'énerverait. Qui me bouleverserait, qui me retournerait. Non mais je dis ça pour rigoler. Je te jure, je te jure, je te jure. C'est juste trois mots pour te pardonner. M'avoir laissé me suicider. J'irais même de m'y avoir poussé. Pour que je me tape tous les pompiers. Les points de vue sont infinis, les approches sont infinies. Donc, quand j'ai enregistré l'album Nu, j'ai observé comment il a été pris, qu'est-ce qui se passait, comment moi je me sentais pour le défendre. Et j'ai eu envie, avec Dr Love, comme je te l'ai dit en début d'interview, de pouvoir parler, de continuer sur mon chemin du désir et du fantasme, mais de pouvoir parler, de pouvoir le mettre et que mon fils soit là et qu'on ne soit pas dérangé. Donc ça implique d'avoir un point de vue encore plus lointain, si j'ose dire, avoir encore plus de recul, englobé. Donc j'ai décidé d'être encore plus global, encore plus total dans mon discours. Alors moins, est-ce que tu sens qu'il y a moins de provocation ou il y a un peu plus de retenue ou... Ou tu l'as raconté autrement? Non, je sens que l'album Nu était comme un peu à la loupe. Il était très, très précis sur certains sujets. Okay. Il y a des sujets qui étaient abordés. Le titre Nu abordait l'homosexualité. Ouais. Il y avait vraiment beaucoup de titres qui étaient très précis. La chanson sur la fellation, qui était d'ailleurs un clin d'œil, puisqu'en fait, c'était un régime. Ouais. Donc, en fait, on ne parlait jamais de fellation. Mais évidemment, comme les gens s'arrêtent au titre, ils n'ont jamais compris qu'il s'agissait d'un régime. Ouais. Puisqu'encore faut-il écouter. Enfin, les gens. Quand je dis les gens, c'est pas les gens, c'est l'industrie musicale d'ailleurs. Et donc, du coup. Parce que la chanson peut être barrée à cause du titre. Oui, mais bon, comme je m'en fous. Ouais, c'est ça. Mais voilà, mais du coup, l'album suivant, donc l'album Dr Love actuel, j'avais moins envie d'être dans la dissection de mon sujet, mais plutôt au contraire. De prendre du recul, d'aller capter le rayon de soleil qui va aller effleurer le corps. Ça, c'était quelque chose qui m'intéressait plus. Dans Nu, si on écoute, la facture est beaucoup plus live. Hein? On sent... C'est pas le même enregistrement, hein. Ouais, voilà. Et dans cet album-là, que j'ai pas encore écouté, sauf deux titres sur Internet, ouais. Dr Love, est-ce que tu as voulu que ça sonne studio ou encore live? J'adore le live, je rêve d'enregistrer toujours en live parce que c'est vraiment ce qui me parle. Tu fais jouer tous les musiciens ou c'est encore des... Ah, c'est... Ben, quand on est en live, on enregistre sur scène. Oui. Donc on fait un concert là. Je veux dire, oui, mais que Brel faisait, tous les musiciens étaient là, on jouait puis on chantait, mais il n'y avait pas de public. Ah, on peut aussi faire comme ça, ça j'ai jamais fait. Ok, c'est pas ça. Quand je sors un titre en live, c'est qu'il est vraiment en live. Okay, c'est-à-dire qu'on l'a vraiment enregistré lors d'un concert et voilà. Okay. Dr Love, il n'est pas en live à part le titre nu. Pas de Manu, excuse-moi, je suis toute nue, okay. Je savais qu'il y avait un lien. Okay. À part le titre « Je suis toute nue » qui a été enregistré en live, parce que, bon, vraiment, c'est un titre qui, à mon avis, nécessite le live. Il y avait une super énergie, donc c'est moi qui ai insisté pour que ce titre-là reste live. Mais les autres titres ont été enregistrés en studio, parce qu'il y a eu une rencontre vachement super sympa avec Steve Forward, qui est un mixeur de folie. Qu'un mec qui a travaillé avec des très grands artistes dans le monde entier. Et vraiment, il y a eu un feeling avec ce gars. J'ai eu envie de travailler avec lui. Et d'ailleurs, je ne suis pas du tout déçue parce qu'il est allé chercher des sonorités. Enfin, les sonorités, c'est nous qui les avons amenées, bien sûr. Mais je veux dire, il est allé chercher une mise en place des sons qui me convient vraiment beaucoup. Et est-ce que c'est une continuité ou si... c'est un autre environnement et deux albums? Non, je crois que bon, tous les albums sont quand même à chaque fois différents du fait de l'énergie nouvelle qu'on amène. Hein. Donc il me semble, enfin pour moi, l'album nu allait vers quelque chose d'électro-pop, électro-rock, mais il y avait ces boucles électro que je reprends d'ailleurs encore parfois sur scène parce que j'aime bien, alors que celui-là on est dans un rock brut épuré que j'adore aussi et c'était ce qu'on avait envie d'expérimenter donc et aussi d'ailleurs du fait de la rencontre avec Steve Forward qui est bon là-dedans dans cette chose, c'est sa force. Et oui, et Sergio qui a fait la composition, voilà, avait vraiment envie de ça. Sur scène, je fais des gros shows, je fais souvent 18 titres. Ça veut dire que, comme le Dr Love fait 10 titres. Donc en fait, je prends... Fait 12, Nu fait combien? Nu fait 13, il me semble. 13, okay. Donc sur scène, en ce moment, je fais 17-18 titres. C'est un show qui dure 1h30. Je prends les dernières chansons, enfin mon album Dr Love, pratiquement en entier. Et puis j'y mets les titres forts de l'album nu, voire même d'anciens albums. Est-ce que tu mets aussi des nouvelles chansons qui seront éventuellement indiquées? Alors oui, j'ai une facilité à faire ça aussi. Okay. C'est vrai que je ne m'interdis pas de tester des nouveaux titres. Okay. Mais l'album Dr Love étant sorti au mois de fin mars, et comme je travaille beaucoup sur la sortie de mon livre en septembre, je n'ai pas encore vraiment... Quoique oui, j'ai déjà recréé une nouvelle chanson. Puisque j'ai créé un hymne musical pour la sortie de mon livre. Donc oui, ça continue. Alors, lorsque tu présenteras ton album, le livre, tu auras une chanson qui va accompagner le livre. C'est ça. C'est bon, c'est vraiment... Est-ce que tu seras disponible avec le livre? Oui, il va y avoir un flash code. Ah, on va avoir la chanson avec la... Ouais. Oh, ok, j'ai hâte. Et c'est en septembre. Et c'est en septembre. Okay. Et éventuellement, qu'est-ce que il y a le livre qui sort au mois de septembre? Il y a le spectacle sans doute que tu commences à monter? Je continue ma résidence. Ben, c'est une bonne question. Non, je suis au Tigre. Oui. Alors j'ai une résidence là-bas, toujours dans le cadre de les Nuits de la Palombe, où j'ai une liberté totale et ça tombe très bien. Mais effectivement, il n'est pas exclu que je monte un show spécial pour la sortie de mon livre au Lit Citoyen. À quel endroit? C'est pas encore déterminé. J'ai plusieurs pistes. J'attends de discuter encore. Je suis en discussion, quoi. Et l'accueil de ce livre-là, est-ce que tu t'attends à quelque chose ou tu laisses venir, comme disait Bachelot? Alors... ça serait pas très juste de dire que je m'attends à quelque chose. Par contre, je suis vraiment sur les starting blocks. C'est-à-dire starting blocks? Bah, c'est-à-dire je suis prête. Je suis prête au départ, quoi. Okay. Et j'ai déjà, comme j'ai quand même un petit peu de d'amis dans le milieu, il y a déjà des épreuves. Bah oui, de milieu aussi dans les journalistes justement. Donc il y a déjà des épreuves qui sont parties, il y a déjà des très bons retours. Donc on peut dire que ça sent bon. Ah, c'est bien. Et on parle, parce que ça m'est venu à l'idée, la créatrice. J'adore cette chanson aussi, j'adore cette voix. Qui c'est qui chante ça? À chaque fois j'oublie. Bon, pardon, vas-y. Non, attends, je crois que c'est... Tu vois ce que je veux? Oui, mais c'est pas la chanteuse. Excusez-moi, vous pourriez savoir qui c'est qui chante là maintenant? Ça ressemble à Tracy Chapman. Ah, Tracy Chapman. Merci. Je pensais, lorsque tu évoquais les livres, à Virginie Despentes. Oui, ben beaucoup pensent comme toi. Oh. Tu n'es pas le premier à m'en parler. Okay, alors, non, mais bon, Virginie Despentes, c'est une personnalité littéraire, maintenant un conte. Hein? Non, figure-toi. Une des actrices s'est suicidée. Je devrais d'ailleurs le lire. Oui, je sais. Une des actrices s'est suicidée. Ouais. Ah, tu sais l'histoire? Non. Ok, les deux faisaient du porno. Oui, ça je sais, c'était okay. Coralie Trinity. Oui. Que je connais maintenant parce qu'on écrit ensemble dans un magazine. Ah, j'ai lu son livre Art. Oui. Qui raconte son histoire. Elle a commencé à faire du porno en étant vierge. Oh mon Dieu. Faté. Mais surtout, l'autre, celle qui était plus féminine, oui. S'est suicidée. Ah, Faté. Oui, mais ben, c'est des... Bon, ça, c'est des destins. Hein? C'est des destins enflammés sur le fil. Est-ce que tu serais prête, toi, à faire du porno? Ah, pas du tout. Alors là, mais alors, pas du tout, du tout. Ça m'intéresse pas du tout. Autant je suis fascinée par l'érotisme, par les lettres érotiques, par la mise en scène érotique, par évidemment la mise en scène des corps. Ça, c'est vraiment pour moi, je pense, une fascination, une obsession presque. Je suis vraiment dans l'extase et dans la jouissance comme motif de réflexion. Complètement. Par contre, la pornographie, non. La pornographie, pour moi, c'est de la gymnastique. C'est de la gymnastique des corps. Après, je ne dédaigne pas la pornographie. Encore une fois, la pornographie dans les années 70, c'était à mon avis génial. Ringer, as-tu vu les films de Catherine Ringer? Non, pas du tout non plus, pas du tout, mais je suis pas... Alors franchement, je suis pas une spécialiste de la pornographie. Maintenant, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à la nouvelle vague de la pornographie, notamment des filles comme... comment elle s'appelle cette espagnole, Erika Lust, ouais. Alors qui propose vraiment des choses nouvelles. Ouais, ouais. Là, elle vient même de sortir un film pornographie sans sexe. Sans pénétration, tout ça. Donc, il y a des choses qui se font, notamment chez c'est les femmes. C'est plutôt un film sexuel. Oui, mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, elles Emmanuel, essaient. C'est ça aussi, c'est elles essaient des choses. Elles essaient des choses et c'est bien. Mais je ne suis pas une spécialiste parce que c'est pas du tout. Si j'ai bien compris le format de la pornographie, c'est quelque chose qui est branlatoire, la pornographie. Donc, c'est pour s'exciter et pour se branler. Et c'est super en tant que tel. Mais c'est tout, c'est né à une époque où c'était interdit et c'est ça qui en faisait son charme et sa magie. Voilà, c'était pour amateurs d'interdit. C'est devenu complètement autre chose de nos jours. Mais si tu veux, ça n'a pas évolué artistiquement, bien au contraire. Autant on pouvait voir quand tu vois. Il y a des films des années 70. J'ai encore revu des films avec Brigitte Lahaie, justement, sublime, et où il y a un travail non seulement de la mise en scène, de l'écriture, des dialogues, de la lumière. Et donc, on peut dire que ça rentre dans le cadre de l'art, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc, bon, voilà. Mais non, alors je ne serais pas du tout... Je pense que ce n'est pas du tout mon chemin, la pornographie. Julia, on se souhaite succès dans ton nouveau livre. Yes, maybe. On se souhaite aussi... peut-être un tourneur pour le Québec. Oh, j'aimerais tellement. Mais toi, t'as pas de tourneur encore. Non, bah c'est le ça c'est par contre vraiment le manque. C'est le tourneur, j'ai fait des collaborations éphémères avec des tourneurs de manière tu vois sur des régions. Ouais, ouais, ouais. Mais ça As-tu ne déjà ça ne tient pas. Des spectacles en Suisse, en Belgique. Non plus, j'ai fait que la France là cette dernière année, c'était déjà si tu veux un pas d'aller jouer en France ailleurs qu'à Paris. Et... Est-ce que les gens en dehors de Paris sont plus ouverts en région? Disons qu'il n'y a pas du tout ce parisianisme ambiant, mais Non, ils sont pas... Ils sont... Aussi constipés qu'ailleurs. Oh, écoute... j'ai pas... Finalement, il n'y a pas tant de... Finalement, il n'y a pas tant de différence que ça devant le plaisir. En fait. C'est pour ça que c'est... On se coupe du plaisir. Oui, complètement. Parce que le côté judéo-christianisme... Les religions, bien sûr. Oui, non, mais le christianisme, on ne doit pas avoir trop de plaisir. Bah, pas que. Hein. On doit souffrir si on veut aller en haut. Là. Figure-toi que chez les musulmans, il n'y a pas non plus une grande place pour le plaisir. Ce qu'il faudrait même savoir, c'est qu'il reste plus de place en haut. Mais même chez les bouddhistes, j'en parle dans mon livre, même chez les bouddhistes, les grands bouddhistes écrivent que... Ils ont du mal à envisager la sexualité autrement que reproductive. Ça montre bien qu'on est dans un rapport au plaisir qui est... Donc c'est toutes les religions qui sont vraiment... qui nous amputent de notre capacité à jouir. Bon, ben voilà, donc on est tous face à ça, mais... Alors que moi je crois qu'il est là le vrai... Communisme, Julia. Le vrai socialisme, Julia. C'est la rencontre physique. Jouissons. Jouissons. C'est ça. Et bonne route. Merci. On se revoit dans peut-être 2 ans. C'est ça. On ne sait pas. On verra dès que tu reviens. D'accord. Ben, je reviens l'année prochaine. Je t'enverrai Sergio. Ah oui, c'est vrai. Je veux le voir. Ah, tu rigoleras avec Sergio. Okay. Il est encore plus drôle que moi. L'année prochaine. D'accord. Excellent. Merci. Excellent. T'enchaînes ou quoi? Non, ça me fait plaisir. Je vais payer. Non, c'est gentil. Ça me fait plaisir. Puis merci pour ton album. Mais pourquoi tu n'as pas écrit en français sur le gabinet, sur le t-shirt? Pourquoi c'est écrit en anglais? Ah, c'est une blague, parce qu'en fait, c'est des t-shirts de Mick Jagger. Ouais. Où il y a marqué « Who the fuck ouais. is Mick Jagger? » Ouais. Donc voilà, okay. En français, tu vois, ouais. mais bordel, qui est Julia? Mais putain, qui est Julia? Ouais. Ok. Ouais. Donc, c'est moyen. Mais peut-être, lorsqu'on va à New York, ça serait plus mieux vu. Ah, tu crois? Ben oui. Ils aiment bien le français. Ben, c'est pas ce qu'ils aiment bien, mais c'est parce que ça crée une autre langue. Ça... Bien sûr. Ici, ce qui crée le rêve, c'est les États-Unis. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est une formule. Prix? Who the fuck is Julia Palom? Je sais pas, qu'est-ce qu'il y aurait comme formule en français? Compliqué de trouver la formule en français comme ça. Ben, c'est ça l'intérêt. C'est de trouver la ritournelle, de trouver la césure, de trouver la... Ouais, moi j'aime bien. Quand il y a une formule qui me plaît bien, quelle que soit la langue, je l'utilise. Puis des fois, je ne la traduis pas. Pareil, Dr. Love, ça me plaisait jamais. Dr. Amour, ça me parlait pas. Mais c'est pas le film de Jerry Lewis. Oui, mais il y a plein de Dr. Love. Il y a des soirées aussi homosexuelles qui s'appellent Dr. Love. OK. Il paraît. OK. Bon, est-ce qu'on t'invite à ce genre de soirée-là? Homosexuelle? Oui. Pas mais forcément. Ça peut être mâle ou femelle. Mais écoute, non, mais ça peut être mâle ou femelle. C'est pas juste homosexuel, c'est pas juste les hommes, c'est les femmes. Mais si tu veux, le public homo est même bien à chaque fois qu'il me... Bah, le public homo, de manière, c'est des gens qui sont très libres avec la sexualité, donc forcément... Ils sont décoincés. Oui, forcément, ils aiment ce que je fais, parce que c'est... Jubilatoire. Oui, c'est jouissif, donc voilà. Et après, je vais pas vraiment dans des soirées spécialisées, non, pas forcément. Spécialisées, mais OK, parce que le public est c'est ça, tu veux dire. En fait, j'ai appris que Dr. Love, c'était des soirées homo, parce que j'ai un copain qui est danseur, qui m'a dit, mais Dr. Love, c'est des soirées réservées aux hommes. Je suis bon. Puis là, t'as pas voulu changer de titre parce que c'était déjà fait. Ah oui, moi, quand c'est fait, quand j'ai pris ma décision, c'est fait. Hein. Est-ce qu'on peut prendre des photos? Mais oui. OK, mais tu connais un peu le truc. Excuse-moi, j'allais tomber par terre. On y va? Attends, j'enlève. Ah, tu veux? J'enlève okay. Juste ça. Pourquoi? Bon, comme ça, je suis mieux, je suis plus à l'aise. Ok, ça parce fait. Que tu ne vois que là déjà, si elle fout la Ah bon, ici. Ok, on y va. On va en prendre quelques-unes, ok? Ah bon? Oh, en plus, avec le. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais avec le. Ok. Ah, avec les bras, ok, on y va. Ok, on y va. Dernière. Et pour la route. Super. Merci. Bon, attends, moi aussi, hein. Moi aussi, je veux un selfie. Ah oui, ok. Mais toi, c'est parce que tu vois les trucs. Tu peux faire une mise en scène. Une mise en scène, ouais. Ouais, moi, je vois pas. C'est ça l'intérêt. C'est à la maison, à l'hôtel. Oh, mais on n'est pas en contre-jour, là, non? Tu fais bon. Tout comme ça? Ben oui. Maman mia, t'as pas peur, toi. Oh, mais ok, toi, c'est... C'est carabiné. Parfait, ok. Excellent. Hey, je vais t'envoyer, comme d'habitude, le lien de la rencontre. Tu en fais ce que tu veux. Et j'ai fait... Jandesh, j'avais oublié. Oh. Attends, mais c'est bon. 2 secondes. Hein. Mais ça vibrait pas? Ah, tu l'avais fermé? Je l'avais fait, ouais. Ben ouais, mais je te l'avais dit, tu as fermé. C'est pas grave, ça, même si il y a des appels. Je vais l'appeler. Qu'est-ce que merci, tu me dis? Merci. Mais de rien, de rien. J'ai dit que je vais t'envoyer le lien. Oui, et... envoie-moi le lien, absolument. On se revoit. Ah ben, j'espère bien. Et n'oublie pas ton copain, ton chum, ton amoureux. Sergio. Je veux le rencontrer l'année prochaine. Oui, Sergio, okay. Tu vas te marrer avec excellent, moi. Excellent, excellent. Et surtout qu'il y a mais tellement désolé, hein, vous profitez de choses. Vous profitez comme ça de toutes les interviews? Oui, oui, c'est très intéressant. C'est gentil. Merci. Ciao, Val. Merci, salut, bye. J'ai découvert votre mère. Ah, du coup, vous avez un message. À bientôt, alors. Salut, bye. Je préfère que mon fils voit un film porno plutôt qu'une série ou même pire. Les infos où l'on fait l'éloge des serials killers où des hommes découpent des corps sans pudeur. Mais Upip, même en gros plan, n'a jamais fait de mal à personne. Un couple qui fait l'amour sans faire semblant, dis-moi pourquoi c'est interdit. Moins de 18 ans. Des mères vendent de leurs filles pour de l'argent à un animateur télé bête. Indigent dans un ring on fait se battre des enfants et le peuple vote. On veut du sang. Même en gros plan, n'a jamais fait de mal à personne. Un couple qui fait l'amour sans faire semblant, dis-moi pourquoi c'est interdit au moins de 18 ans. Pour tous les dictateurs, les fanatiques religieux, là c'est l'exposition médiatique. Plein feu, plus c'est violent, plus l'audimat. Heureux, la télévision a pris la place de Dieu. Mais une pipe, même en gros plan, n'a jamais fait de mal à personne. Fais l'amour sans faire semblant. Dis-moi pourquoi c'est interdit au moins de 18 ans. Dans un film de cul, zéro mort. Juste une petite fessée, une tape sur l'échine, un coup de fouet sur la pine. Au pire, un coup de martinet. Avant de finir, dans un baiser, dans un baiser. Baiser, baiser, baiser, baiser, baiser. Chers amis, si... si je vous... si je vous ai bien compris, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.